Amis gamers, amis gameuses, bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro de La Gueulante qui commence très très bien. Un épisode enregistré dans de magnifiques conditions, dans le noir et en silence. Aujourd'hui, on va parler des Sims qui bougent encore et on va vous expliquer pourquoi. Et pour cet épisode, on a Soy. Hello. Une experte des Sims. Allez, depuis autoproclamée, la première heure. On a Tilissa également. Salut à tous. Et notre invité du jour, experte des Sims également, Gabi. Gabi, comment vas-tu? Salut, ça va? Ah bah c'est parfait, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors, oui. Je commence à faire chier tout le Vas-y, monde. Vas-y, commence, avant commence. Attends, est-ce qu'on peut... Non, c'est moi. Avant qu'on commence, je veux juste qu'on dise qu'il y a aussi Jules avec nous. Et que Jules, à 3 ans, est en train de dormir à côté de nous et qu'il est la raison pour laquelle nous enregistrons quasiment en silence, enfin lol, et dans le noir, et qu'on lui fait un gros bisou et une pompote, deux pompotes, trois pompotes, et après il a momie. Voilà, c'est bon, c'est fait, c'est dit. Voilà. Et donc maintenant, est-ce qu'on peut quand même, il nous a tous accueillis, est-ce qu'on peut accueillir Monsieur Poutounours? Hello. Une grosse ambiance donc. Pardon, j'étais en train de boire, elle a attendu le moment où j'avais du coca dans la bouche quoi. T'avais qu'à attendre pour boire. Bonsoir Monsieur Poutounours. Bonsoir. Je trouve que j'ai trop une voix de radio quand je suis obligé de la forcer. Mais comme ça. Téléphone rose un peu, non? Hein? Dans le téléphone rose aussi, on est dans l'ambiance. De radio rose. Que bon, bref, veux. Ça part un peu en vrille cette histoire. On parlait des Sims. Tout à fait. On parlait des Sims. Les Sims, vous les croyez morts et pourtant, ils sont toujours là, passés. L'effet de mode, on en est au quatrième épisode. Les Sims, c'est un score, une moyenne métacritique au-dessus de 70, 200 millions de Sims vendus, 200 millions de titres vendus sur l'ensemble de la série, c'est quand même énorme. 60 pays de distribution, un jeu traduit dans 20 langues. Alors, les Sims, est-ce que ça marche encore et pourquoi ça marche encore? Je vous propose de commencer par un petit tour de table sur votre première rencontre avec les Sims, sur quel épisode ça s'est fait, et puis surtout dans quelles conditions, à quel âge, à quel prix, j'en sais rien. Qui veut commencer donc pour parler de... sa rencontre avec les Sims. Okay. Non, c'est quand même Soy qui s'est arrangé pour qu'on fasse une gueulante sur les Sims, donc elle va commencer. S'est arrangé à recruter. Non, s'est arrangé tout de suite. Moi, ça va être très rigolo parce que très rigolo. Ok. Parce que la première fois que j'ai joué aux Sims, c'était avec Gabi justement. C'était chez Gabi. Et je sais pas quel âge on avait, mais je pense qu'il venait de sortir globalement les premiers Sims donc. Et elle a dû me dire, j'ai un nouveau jeu, viens voir, c'est trop bien, ma soeur, elle arrête pas d'y jouer aussi, big up Anaïs. On a trop kiffé, enfin, globalement, je crois que depuis, je n'ai jamais vraiment arrêté de jouer aux Sims, voilà. Donc ça fait, il est sorti quand le premier épisode, le premier Sims sorti album, en février 2000. 2000, donc voilà, on avait 10 ans, globalement. Je pense qu'on l'a découvert, on était quand même déjà... On était au collège peut-être. Ouais, je pense qu'on était en 6e. Ouais, on avait 11 ans. Ouais. Voilà, on a mis quelques temps à... Ouais, ça doit être ça, on devait être en 6e, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour moi, c'était en 6e, dans le bureau chez Gabi, avec sa sœur et elle. Et justement, moi, c'était une amie de ma sœur qui avait décidé de nous prêter le jeu pour qu'on essaye, les Sims. Et on a tellement aimé qu'il a fallu absolument que nos parents l'achètent. Et donc mon père a dit, vous rangez votre chambre et je vous l'achète. Et donc la ce jour-là, on a rangé la chambre. Pour la première fois. Comment faire ranger la chambre à vos enfants? Voilà. La carotte, toujours. Promettez-leur des jeux vidéo. Je crois que c'est une technique qui marche encore. Oh oui, ça va encore marcher en vigueur longtemps. De nos jours. Ouais, ça va marcher longtemps. Autorisé par la Convention de Genève. Tu dis ça? Moi, la première fois, je pourrais pas dire parce que je sais que j'ai eu testé vite fait comme ça un petit peu. L'épisode sur lequel j'ai joué, c'est le 3. C'est les Sims 3 que j'ai racheté il y a peut-être, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Enfin, à peu près à sa sortie. Et voilà où j'ai passé un peu de temps dessus. Ça fait un moment que j'ai plus joué quand même. Mais voilà où j'ai passé pas un petit peu de temps comme ça. Ça fait passer le temps. Et pour ma part, les Sims, c'est très loin, donc je ne vais pas avoir grand-chose à dire aujourd'hui. J'ai de vagues souvenirs d'avoir très largement exploité les codes de triche dans les premiers, dans les Sims 1, mais on en reparlera plus tard. Et d'avoir très très vaguement touché les épisodes qui ont suivi, en tout cas le 2 et le 3, et le 4, pas du tout. Donc c'est bien, vous allez pouvoir m'en parler. Je suis donc. Un petit rappel historique sur les Sims. Donc les Sims, c'est conçu par un monsieur qui s'appelle Will Wright. Qui est très riche, si vous voulez mon avis. Pas tant que ça, tu vois, parce que comme beaucoup de grands créateurs, il y a des, comment dire, des gens plus commerçants, plus mercantiles qui sont passés derrière et qui l'ont un petit peu piqué son truc. Will Wright, donc, est, sur ses 5 ans d'études, réussit à être diplômé en architecture, en génie mécanique, puis en informatique et robotique. Toi, t'as même pas fini de rédiger ton mémoire. Tant vous dire que le monsieur n'a pas chômé. Et se rend compte, après ses études, que les jeux vidéo lui prennent pas mal de temps, parce qu'il est très joueur, et que tant qu'à faire, il serait peut-être bien de consacrer ce temps à faire des jeux vidéo. Eux-mêmes vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à d'autres joueurs, surtout les Sims. C'est ça. Donc il commence par un titre pour les micros de l'époque qui s'appelle Red on Bungling Bay, qui est une simulation, non pas une simulation, mais un jeu d'hélicoptère, on va dire. Et c'est en faisant ce jeu qu'il se rend compte qu'en fait, il passe plus de temps, enfin, il est plus intéressé par le fait de concevoir les villes dans le jeu plutôt que de jouer au jeu lui-même ou de concevoir d'autres éléments du jeu. Et c'est partant de ce constat-là que en 1989, il crée SimCity. Je ne sais pas si c'est un titre qui vous parle. Ouais, SimCity. Oui. Voilà, parce qu'il est sorti quand même sur pas mal de plateformes. À mon avis, pas suite 89. Non, pas suite 89. On n'était même pas nés. Non, oui, probablement les suivants, SimCity 2000, 3000 ou SimCity 4. SimCity 2000. Et SimCity 4, mais grosse déception. Vraiment, bref. On va voir. On fera un podcast SimCity. Si sans vous parler du reboot récent qui a 3 ans. Pardon. Je sais pas s'il y a eu un reboot de SimCity il y a 3 ans, mais ouais, il était vraiment dégueulasse. C'était du jeu online obligatoire. Non, c'est pas le 4. Ça s'appelait SimCity tout court, comme c'est un peu la mode maintenant de rebooter les jeux systématiquement. Donc SimCity en 89, pour un jeu pour lequel. Je vais essayer de faire une phrase correcte. Un jeu qui était suffisamment innovant pour l'époque pour que ça soit galère de trouver quelqu'un pour y croire et pour l'éditer. Du coup, il s'est pas démonté. Où il est où là ? Deux ans avant la sortie du jeu, ils fondent Maxis, la société qui développera plus tard les Sims. C'est les Sims 2. il l'a créé simplement pour pouvoir éditer son jeu, notamment sur les micros à l'époque. Et Maxi se fera racheter en 97 donc par Electronic Arts, donnant les magnifiques écrans d'intro. J'allais dire, on n'a pas le petit. Des Sims récents. J'ai pas pensé. Comment ça, le slogan, le. J'ai quoi, pas le pensé à prendre le jingle Electronic Arts. Ouais, qui était génial. Voilà. EA Games Challenge Everything. C'était trop bien, pardon. Ah ben voilà, tu vois, on l'a pas, mais c'est bon, on l'a eu. Will Wright, donc, qui sort SimCity, ses suites avec le succès qu'on lui connaît, et puis d'autres jeux qui commencent par SimAnt. Qui est une simulation de colonie de fourmis. La drogue. Non, c'est vraiment pas mal. Ok, il a essayé en plus. Tu le connais ? Ah oui, totalement. Non, mais c'est vraiment pas mal. Après. Ce moment où t'apprends un truc sur ton mec. Les années Non, mais les années 90. Le monde entier, les années 90, plein. De simulateurs. Pleine période, enfin, âge d'or du micro. Et pour le coup, les jeux de stratégie comme ça, c'était vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, il y a eu un bruit hyper chaud. Oui, il y a eu un bruit, c'est ma gorge, je le couperai peut-être au montage. Je croyais que c'était Mag. Ah, mais pardon. Tout de suite, quoi, mais s'il te plaît. Elle est droite dans mon casque. On continue donc sur la vie de Willow. Pardon. Willow, parce que j'ai l'appelé Willow, maintenant c'est mon pote. C'est comme ça. Donc Will Wright est victime malheureusement en 91 de l'incendie, enfin la tempête en anglais, c'est Firestorm, c'est vraiment la tempête de feu. Qui est en fait un énorme incendie qui s'est propagé autour de. Enfin, vers Auckland, Berkeley. Et combiné à une tempête classique, a vraiment ravagé une grosse partie d'Auckland, Berkeley à l'époque. Et la maison de Will Wright est incendiée complètement. Et il retourne quelques jours plus tard, peut-être une semaine plus tard, pour voir les restes de sa maison avec un véhicule de police. Et là, il se passe quelque chose, il a un recul par rapport à son existence et par rapport surtout aux choses matérielles, à la notion de choses matérielles et de besoins. Dans une interview assez récente pour un journal qui s'appelle Berkeley Side, il dit, et voilà, je cite avec une traduction un peu douteuse parce que c'est moi qui l'ai faite, « J'ai pensé à toutes les choses que nous avons et aux raisons pour lesquelles nous les avons achetées. Pourquoi nous avons besoin de ceci ou cela ? Pourquoi penser que quelque chose va me rendre plus heureux ?» Après, ici, la pyramide de Maslow, que je pense vous connaissez, donc la pyramide des besoins physiques, sociaux de l'homme, etc., qui les classe par priorité. Et c'est ce recul-là, en fait, qui va lui donner l'idée d'aller concevoir les Sims, qui était un truc qu'il avait déjà depuis longtemps, qui qualifiait lui-même de maison de poupée virtuelle. Au final, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. Mais c'est cet événement malheureux, comme ça peut arriver souvent dans la vie d'un créateur, qui va être un déclencheur pour créer donc les Sims. Voilà, c'est triste hein, comme... Tout le monde est en train de pleurer, excuse-nous, on va voilà. Essuyer nos larmes. Une magnifique musique derrière, d'ailleurs. D'ailleurs, je ne me souvenais pas du tout de cette musique-là. Tu t'en souvenais, Gabi ? C'est une musique des Sims 1. Alors, et autant la précédente... La BO des Sims. La précédente me parlait, autant celle-là, c'est marrant, mais je l'avais oubliée. Et a priori, on est sur une musique de construction. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mode construction. Là. Mais ça ressemble bien, ce genre de tonalité, effectivement, très calme. Ouais, construction directe. Aux parties de construction qui sont effectivement des moments presque de pause. Dans les Sims 4, la musique du mode construction, là, objet, elle est insupportable. Bon, on y viendra. Ouais. On y viendra. Donc, je vous propose de faire un petit tour des jeux dans l'ordre chronologique. Les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3 et les Sims 4. Non, mais d'en parler un petit peu au fur et à mesure, tout simplement. Et on compte tous les add-ons ou... Ah, voilà, j'adore quand ça. Alors, je vous ai pas fait la liste complète, je les ai juste comptés. En tout ? De quoi, les add-ons ? Non, je les ai comptés à chaque fois par jeu. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, le premier Sims sort, on l'a dit tout à l'heure, en février 2000. Sur plusieurs plateformes, pas simultanément je pense, mais sur plusieurs plateformes, donc pour Windows, Mac déjà, et porté sur console aussi, sur PS2, GameCube et Xbox. J'ai lu en préparant qu'il y avait... Alors les portages sur console, moi ça m'avait complètement échappé. J'allais dire, après ça a été porté aussi sur la Wii, il y a eu les Sims naufragés plus tard, les 3 machins. Ça a été porté sur plein de choses les suivants. Le pire c'est les Sims 3, on y reviendra, mais les Sims 3 c'est n'importe quoi, il y a au moins... une dizaine de versions. Voilà, donc tout ça pour dire que globalement, je pense qu'on peut se mettre d'accord, enfin, pour dire que nous on parle des Sims sur PC, des vrais, parce que voilà. Notamment qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de différences à chaque fois au niveau des portages console, oui. Notamment certaines qui ont certains portages qui ont du multijoueur. Alors j'ai pas vraiment, enfin, c'est vrai que je me souviens juste, alors je me souviens pas duquel. Et j'avais pu voir, oui, quelqu'un jouer un Sim sur console, et j'avais aucun repère. Ouais, moi ça m'avait fait ça pour des Sims sur Wii, donc ça devait être les Sims 2 ou 3 qui avaient été portés, c'était les Sims naufragés, je me souviens, et rien à voir. Enfin, au final, ils ont réutilisé le nom Sims, les personnages, mais globalement, ça, c'était pas les Sims, quoi, enfin voilà. Bah, à un moment donné, vu la gestion des Sims et tout, enfin, cette gestion-là, la manette... Je pense que de toute façon déjà à la base complexe. Ah oui, donc effectivement, si tu changes pas le concept et le mode de jeu, ça passe pas. Quoi. Très souvent, en plus, c'est un portage de commande qui n'est pas réalisé par Maxis lui-même, mais qui est confié à un éditeur tiers, comme c'est souvent le cas pour des plateformes qui ne sont pas natives, parce que c'est clairement des jeux pour ordinateur. Les Sims, c'est clairement un truc qui se joue à la souris avec une certaine puissance de calcul aussi, notamment pour les jeux récents, parce qu'on dirait pas comme ça, mais il y a tout un réseau neural qui définit le comportement des Sims, et j'ai jamais réussi à retrouver cette image dont je t'avais parlé à la soirée, tu sais, que j'avais vu un jour dans un article. C'était dans les bureaux de Maxis, et ils avaient dessiné sur un immense mur à l'extérieur de leur bureau, qui était dans un couloir, mais à l'extérieur de leur bureau, un couloir très très grand, et ils avaient repris une... Apparemment, c'était juste une partie de tout le réseau neural qui constituait le comportement des Sims. Donc vraiment, on imagine un énorme schéma de principe avec tout l'algorithme de décision, tout ce qui fait l'IA du Sim. Et c'était super impressionnant. En plus, c'était joli, ils avaient fait ça bien. Mais jamais réussi à le retrouver, malheureusement. Bon, si jamais vous l'avez vu passer, si jamais vous savez où on peut le retrouver, tweetez-nous, @ les amis du Pixel. Hein, ah oui, commente, like, on est sur Facebook. C'est comme tu veux, mais tu nous en parles, tu es gentil. Parce que je veux voir ce truc, ça fait longtemps que j'entends parler, effectivement. Voilà. Donc les Sims 1, gros succès, parce que voilà, un jeu totalement innovant, c'est un genre qui n'existait pas à l'époque que les Sims a quasiment créé. Et sur lequel il est resté un peu seul maître à bord, quasiment, parce qu'il y a eu des tentatives un peu de récupération, mais voilà, qui ne sont jamais vraiment allées jusqu'au bout du truc. Alors moi, j'ai noté 7 extensions sur le premier, ce qui est déjà pas mal pour premier jeu. J'avoue que nous, on n'a pas recompté, mais il me semble que il y en avait beaucoup. Hein. Ouais, il y avait. J'en ai plein en tête. C'est d'après Wikipédia. C'est un peu. Ouais, non, mais de toute façon, Wikipédia doit avoir raison. Si Wikipédia dit que les cochons volent, les cochons volent. Soyons d'accord là-dessus. On sait que toi aussi, tu as fait ton exposé sur Wikipédia. Toi étant à toi général, hein, toi auditeur. Mais oui, oui, il y a pas mal d'extensions. Je pense que c'est pas le. Si j'ai pas de bêtises, ça doit pas être le premier qui a le plus d'extensions. Non. Je pense que c'est le 3. C'est pas le premier, clairement. Voilà, de toute façon, il y a un modèle économique à base de vente de contenu additionnel qui est très spécifique, qu'on va retrouver dans d'autres jeux, surtout ces dernières années, mais d'en vendre autant, c'est quand même très spécifique aux Sims. Oui, sachant qu'il y a tous les kits aussi après. Oui, voilà. Bah après, donc, sur les Sims 1, ils étaient vraiment sur des extensions, ce qui s'appelait disque additionnel d'ailleurs, encore à l'époque, je crois, oui. En bon français. Alors, attention. Attention, attention, attention, j'ai peut-être la liste, peut-être pas. Ah, quel suspense. Développement. T'es courageux, j'ai pas été sortir la liste complètement. Alors, extension. Alors, pardon. Alors, on a eu les Sims, ça vous change la vie. Nouveaux objets, nouveaux métiers. Ah, le clown tragique et le chasseur de clowns qui me faisait flipper ma maman. Les Sims, surprise partie pour faire des soirées chez toi. Et oui. Plus si affinité, en anglais, hot date. Alors celui-là, si je ne dis pas de bêtises, il y avait le lit qui vibrait, le lit cœur. Le lit cœur, ouais, exact. Le lit cœur pour faire crac-crac. Les Sims en vacances, les Sims entre chien et chat, les Sims superstar, les Sims abracadabra. Et je crois qu'on y est, je n'ai pas compté, mais a priori ça a l'air d'être ça, parce qu'après il y a eu les Sims de luxe, mais c'était un coffret, quoi. Voilà, pour les Sims. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on joue aux Sims pour la première fois, sachant que c'est vraiment un type de jeu qu'on découvre forcément à cette occasion-là? Gabi, vas-y. Tu veux dire qu'est-ce qu'on... Ouais, qu'est-ce qu'on ressent? En fait, comment on appréhende un jeu comme ça qui en plus a la particularité, surtout pour le premier, de ne pas être dirigé pour un sou? C'est presque un énorme bac à sable, quoi. Oui. Bah moi, ce dont je me souviens, c'est que c'était tout de suite addictif, quoi. Tout de suite. D'accord. Après, je pense que tu découvres, en fait, au fur et à mesure de que tu joues, tu découvres de nouvelles choses. Mmh. En fait, c'est en jouant que tu... Il y a un truc qui m'a marqué, je sais pas si tu vas t'en souvenir, ou si vous allez vous en souvenir. Dans les Sims 1, il y avait peut-être 4 ou 5 parcelles en bas de l'écran. Et en haut de l'écran, c'était une grande parcelle qui devait faire 10 sur 10. Et il y avait une grande maison dessus, de mémoire. Et pour réussir à acheter cette maison, il fallait avoir beaucoup d'argent. Et à l'époque, on était petites et naïves et on ne connaissait pas les codes. Oui. Et la première qui a réussi à acheter cette maison, c'est la sœur de Gabi. Donc, et je me souviens, moi, du jour où je suis allée chez Gabi et qu'elle m'a dit ah, « ma sœur a acheté la maison ». Et c'était trop genre « attends, je te fais visiter ». Et je me souviens, mais très très clairement, de sa sœur qui nous faisait visite. Et moi, j'étais comme une dingue, genre, oh là là, mais j'y arriverai jamais, c'est trop bien et tout. Comment t'as fait? Ils ont fait quoi comme carrière? Et on devait avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça tellement génial. Enfin, ça me paraissait fou, quoi, d'avoir réussi rien qu'à acheter la maison de la parcelle du haut. Voilà, c'était le truc de dingue. Donc, effectivement, comme dit Gabi, en fait, à l'époque, tu découvrais au fur et à mesure que tu jouais. Aujourd'hui, t'apprends le truc vraiment différemment parce que, dans le fond, tu sais à quoi t'attendre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, t'étais... Oui, c'est ça. En fait, au début, tu jouais à vitesse 1. C'est ça. Et puis maintenant, on ne connaît plus la vitesse 1. Ouais, ah bah oui, c'est ça. Tu joues à vitesse 3 tout le temps. On joue à vitesse 3 tout le temps. Ah ouais. Tu trouves que tout est trop lent, c'est chiant. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais où tu veux aller, en fait. Exactement. Et quand tu regardes quelqu'un qui débute et qui joue en vitesse 1... T'es genre, non, vas-y, accélère. C'est très, très irritant. Totalement. Ah oui, donc parce que rappelons, je me rends compte que j'ai même pas rappelé la base du concept. Tellement partie du principe que tout le monde connaissait, avait été en contact avec au moins des titres, mais bon, les Sims, pour faire court, c'est donc un simulateur de vie, voilà, avec lequel on commence donc avec un Sim, un personnage. Ah, pas forcément. Les Sims étant des habitants de SimCity pour aller voilà, avec le... Voilà, tu crées ta famille, autant de personnes. Est-ce que les Sims sont des habitants de SimCity? Alors, les Sims sont censés être des habitants de SimCity pour être dans le... Comment dire? Dans la dénomination? Dans la cohérence avec le truc... Peut-être les premiers, mais en tout cas, je pense que dans les suivants, tu n'as pas d'allusion à SimCity parce que les quartiers ont des noms très très précis. Non, c'est pas forcément des allusions. Par contre, les SimFlouz, ils payent en SimFlouz. Ça a été pitché comme ça, oui, comme dans SimCity. Ouais, ça c'est vrai. Très important, les SimFlouz. Oui. Mais oui, donc tu commences avec une famille, pas forcément avec un Sims. Ouais. Hein, tu commences avec une famille, soit que tu sélectionnes dans les familles déjà existantes, soit que tu crées toi-même de toutes pièces, qui commence avec 20 000 Simflouz, si tu la crées toi-même, et qui peut avoir déjà une histoire si c'est une famille que tu choisis dans le jeu, dont la biographie est écrite, ce qui est génial, parce que toi, jamais tu n'écriras la biographie de tes Sims, parce que franchement, t'es une feignasse. Est-ce que quelqu'un a déjà écrit une biographie de Sims ici ? De Sims, oui, moi. Ok, pourquoi j'étais à peu près sûre de la réponse en plus ? Et de chaque Sim, tu vois, tu as la biographie de la famille, puis tu as la biographie de chaque Sim. J'ai tellement envie de voir tes parties. T'aurais dû ramener une sauvegarde, quoi, parce que ça m'intrigue trop, j'aimerais trop voir ça. Je n'ai aucune sauvegarde, malheureusement. Ah, c'est dommage. Et donc, je disais tout à l'heure que c'était plutôt un jeu bac à sable, mais est-ce qu'on a quand même un objectif ? Alors... Bah. Selon moi, tu peux en avoir un, ouais. Vas-y, bah, oui, c'est aussi, il faut dire, 20 000 Simflouz, c'est vraiment très très peu. Tu commences vraiment avec très peu, c'est vraiment pas très confortable. Alors un objectif, ça peut être d'améliorer tes conditions de vie déjà. Mais est-ce qu'on a un objectif qui est défini par le jeu ? Bah rendre tes Sims heureux peut-être ? Ouais, alors dans les Sims... Peut-être pas dans les Sims 1. Dans les Sims 1, je crois pas. Par contre, je pense que dans les Sims 2, tu avais déjà la jauge d'inspiration avec l'inspiration platine. Oui, si parce que tu réussissais déjà dans ouais, les Sims 2. Il me semble, hein, de mémoire. C'est pas dit. Ou dans les 3. Ah, bon, alors voilà, là on est un peu chié dans la colle. On n'a pas vérifié. Mais bref, il y a des aspirations dans les Sims. Dans les Sims 3, c'est certain. Dans les Sims 2, je crois, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et en fait, si tu veux, t'as un objectif. Comment ça s'appelle en anglais, Gabi, déjà ? Lifetime Wish. Ah, merci. Non, mais après, de toute façon, il faut quand même t'occuper de tes Sims. Parce que s'il a envie de faire pipi, bah, Enfin, je veux dire, c'est quand même un objectif, c'est que tu dois t'occuper de. Comme une maison de poupée, quoi. Tu t'occupes de. De comme tes personnages. Comme mobile. Ouais. Comme le Tamagotchi. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, voilà. Ouais. Sinon, il fait pipi pour les plus vieux. Mais... Non, mais on en a eu aussi. Hein. Non, mais le Tamagotchi, c'était. Pas moi. Pas que ça revient. J'en ai un si tu veux, Gabi, je te le prête. S'il te plaît. J'ai réussi à le garder en vie très longtemps. Mais donc, oui, ce qui a rendu le développement et l'édition surtout difficile, c'est que justement, les Sims, c'était un concept qui échappait au. Comment dire. Au concept qu'on retrouve d'habitude dans un jeu vidéo, notamment la notion de condition de victoire et de défaite, qui est quelque chose qui dans les Sims n'existe pas, à part peut-être la banqueroute, remarque. Puis l'idée de finir le jeu aussi. Et voilà, cette notion voilà, d'avoir des conditions de victoire, d'avoir une fin objective nette définie, ça c'est effectivement quelque chose qui n'existe pas. Alors, dans les Sims. Entre temps, j'ai juste vérifié, dans les Sims 2, il y avait déjà la jauge d'aspiration. Donc, d'accord. Je sais pas, il faudrait qu'on trouve, enfin qu'on regarde un screen ou quoi pour se souvenir, mais il y avait déjà la jauge d'inspiration, voilà, pas telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ça existait déjà, donc voilà. Donc il y a quand même des objectifs que tu peux te donner en plus de l'objectif de garder en vie ton Sims ou de faire telle carrière, je me suis mis le dans le micro, pardon. Voilà. Alors on va avancer un petit peu dans le temps, pas beaucoup, 2 années plus tard, Electronic Arts, c'était pas encore Electronic Arts d'ailleurs, c'était encore Maxis à l'époque, sort une version online, sobrement intitulée Les Sims Online. Et alors là, je pense connaître la réponse, mais est-ce que quelqu'un y a joué autour de cette table aux Sims Online ? Non. Voilà, bon, c'est ce qui me semblait, parce qu'effectivement, ça a pas été un succès, l'accueil. Critique et commercial n'est vraiment pas au rendez-vous, donc ça sort uniquement sur Windows. En 2008, c'est renommé EA Land, parce qu'entre temps, il y a eu le mangeage par Electronic Arts. Renommé EA Land et fermé 4 semaines après ce petit revampage. Ça a été efficace. Voilà, ça valait le coup de le renommer. Alors, paraît-il qu'à l'époque, c'était la concurrence assez forte de Second Life. Qui était plus ouvert, qui reprenait ce côté online, c'est-à-dire massivement multijoueur, parce que c'était vraiment un MMO. Second Life, j'ai dû tester un quart d'heure. Sauf qu'à l'époque, on avait Second Life, qui lui avait une promesse tout autre, peut-être un peu moins ludique, mais beaucoup plus ouverte et beaucoup plus sociale. Marketing aussi, ça a été beaucoup plus marketing, voilà, parce que... On pouvait acheter des emplacements marketing pour des vraies entreprises dans le jeu. Enfin, c'était quand même autre chose. C'était, bah, de toute façon, l'idée c'était ça aussi, c'était de mettre un pied dans le réel. Enfin, bref. Donc, oui, oui. Bah, mine de rien, de faire des rencontres dans le jeu qui peut-être. Si vous êtes rencontré sur Second Life, on peut peut-être trouver encore une idée de podcast. Pardon. De faire de la monnaie aussi. Ouais, parce que je rappelle que le Linden Dollar, la monnaie du jeu, avait un cours de conversion avec le dollar et avec l'euro. Ah oui. Alors c'est que le Simflouz a vachement trouvé ça. Simflouz n'avait pas de quoi. Mais cela dit, EA a trouvé le moyen de faire de la monnaie avec les Sims plus tard. Oui. La machine à cash. Ouais. Donc les Sims Online, on l'oublie et on passe au Sims 2, sorti en septembre 2004. Et alors là, on se fait plaisir sur les portages, hein, Windows, Mac, comme d'habitude. Game Boy Advance, oula. GameCube, ah oui. Nintendo DS. Donc on est sur deux générations de consoles portables. PS2, Xbox et PlayStation Portable. Et oui. Et oui, pour les Sims 2 ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais peut-être, oui. Peut-être via la console virtuelle de la GBA ou un truc comme ça. Ah, je il ne faut pas trop me demander. Parce qu'a priori, là, je ne l'ai pas vu. Et la Wii, c'était bien plus tard. Donc, mais cela dit, les Sims 3 sont sortis en 2009. Sims 3 était porté sur Wii en 2009, ouais. Bah, du coup, ça doit être juste. Ouais, peut-être. Bon, non, bref. Mais il, sur Wii, il est possible que ça soit juste la console virtuelle de l'HBR. Peut-être, hein. Je sais pas du tout. Ce serait pas impossible. Et donc, j'ai compté 8 extensions et 9 packs de contenu. Alors là, on voit clairement se dessiner un modèle économique. Ouais. Très spécifique où on va vendre beaucoup de contenu additionnel pour continuer à faire vivre le jeu, à faire tourner la machine. Dans les Sims 2, globalement, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce que les Sims alors, apportent de nouveau ? Si ça vous embête pas, je vais juste lister vite fait tout les fait. Disques additionnels et les kits pour qu'on se souvienne et qu'on mélange pas tout. Alors, on va passer à la musique des Sims 2, tiens. C'est parti. Ah, je la connais celle-là. Pardon. Ah, c'est la musique du début. Pardon, ouais, excusez-moi, je suis trop triste. J'ai dû y jouer aux Sims 2 parce que la musique me dit quelque chose aussi. Ouais. J'adore. Donc, pour les disques additionnels, on a les Sims Academy, Sims 2 Academy. Nuit de folie, la bonne affaire, animaux et compagnie, au fil des saisons, bon voyage, quartier libre et la vie en appartement. Et après pour les kits d'extension, on a fun en famille, glamour, joyeux Noël, jour de fête, H&M, tout pour les ados, cuisine et salle de bain design, Ikea les gars, et demeure de rêve, voilà. Alors, clairement il y a deux trucs qui moi me marquent là tout de suite. C'est H&M c'est et d'une Ikea, part les... Non deux trucs, ça c'est un truc, c'est-à-dire le côté partenariat commerciaux, partenariat de marque. Mmh. Donc on vend du contenu avec de la marque derrière, donc là c'est marketing plus super pouvoir, tout ce que tu veux, et surtout le côté repartir de zéro. Exactement. En revendant ouais. du contenu, je pense à Animaux et Compagnie par exemple, dans le premier il m'a semblé ouais, dans ce que tu as dit qu'il y avait aussi une extension chat, voilà. Mais voilà. Je pense qu'en fait celui-là il est dans tous les numéros de Sims. Ouais, mais dans, dans les trois on l'a retrouvé aussi ouais. C'est très particulier parce que souvent dans un jeu comme ça qui reviendrait de manière assez cyclique, qui commencerait vraiment à se dessiner en série, la plupart des joueurs attendraient en fait que tout ce qui a été ajouté avant, même sous forme de contenu additionnel, soit dans le disque de base devienne un truc de base et qu'on ne rajoute que des choses nouvelles. Mais oui. Là, on repart vraiment de zéro et on revend à nouveau des trucs additionnels. Et nous, on c'est vraiment un modèle économique. Ouais, mais on est déçus quand même à la base. Ouais. On est quand même déçus à la base. Enfin, moi, ça m'a toujours déçu. Je suis assez d'accord. De voir à chaque fois. Parce qu'on savait, hein. On savait après que les add-ons allaient arriver. Totalement. Les Sims 2, on était en quatrième, je crois. Quatrième, ouais. Je me souviens quand je l'ai acheté. Moi aussi. Et à la Fnac. Ouais, moi aussi. À la Fnac Montparnasse. Mais moi aussi. Le jour de la sortie. Oui, pareil. J'ai traîné mon papa. Et je lui dis, papa, il faut vraiment qu'on achète les Sims. C'est hyper important dans ma vie. Parce qu'il faut que j'en parle avec mes copines. Et j'étais hyper sérieuse, hein, parce qu'on en a parlé, mais beaucoup. Enfin, ça a été un truc... La sortie des Sims 2, je pense que ça a été vraiment un truc de dingue dans ma vie, quoi. Donc oui, on savait que c'était différent, enfin, que ça reprenait pas tout ce qu'on avait connu avec les add-ons des Sims 1. Mais je crois que ça nous a pas arrêté. Par contre, c'est là que sont apparus les bambins. Et on était hyper joyeuses de voir de nouveaux personnages au final, parce que dans les Sims 1, les enfants passaient de bébé dans un berceau à enfant. Et c'est tout. Et je ils crois ne grandissaient que, pas. Ouais, et je crois que... Attends. Et oui, ils devenaient directement adultes après les enfants. Non, ils devenaient rien du tout, ils restaient enfants. Ils restaient enfants ? Dans les Sims 1, ils restaient enfants. Toute la vie. Je ne me souviens pas du tout de ça. Alors, parce possible. Que les Sims ne vieillissaient pas. Ah, ils ne mouraient pas de vieillesse non plus ? Non, du tout. Oh, comme c'est les trop Sims possible. C'est totalement voilà. ça. Parce que, en fait, moi, de mémoire, les Sims 2, au dos, tu avais le bébé, tu avais tous les stades de l'évolution, à la fin, tu avais le petit vieux, et tu avais genre l'urne funéraire des Sims. Oui, dans les Sims 2. Et c'était, ouais, des Sims 2, et c'était oui. Occupez-vous de vos Sims du berceau au tombeau. Oui, mais dans les Sims 1, je te disais. Oui, oui, oui. Non, mais oui, t'as raison. Mais du coup, ça explique parce que je me souvenais de ce truc au début des Sims 2. C'est pour ça qu'on a acheté les Sims 2. Voilà, c'est, et voilà, c'est exactement. Pour les voir vieillir et mourir, surtout. Ok, on est des monstres. On va parler de genre ce côté les meufs, psychopathe. Elles kiffent parce qu'elles allaient voir mourir leurs Sims. Mais on peut vous faire le top 10 des meilleures façons de tuer un Sims sans la piscine, la piscine. Ah, très très rapide, la piscine. Où tu enlèves le, l'échelle. L'échelle, ouais. Alors ça ne fonctionne plus maintenant, ils peuvent sortir de la piscine sans échelle. Ouais, je sais, c'était terrible. Tu peux mettre un mur autour de ta piscine, ça marche hyper bien. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait après. Ou alors tu mets. Elles ont tout testé, quoi. Pour faire le feu aussi, c'est mieux de fermer la pièce parce que sinon ils vont s'enfuir. Ouais. Totalement. Et alors, dans les Sims, je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais à une époque, tu les faisais se laver les mains et après réparer un objet et s'électrocuter. Exact. C'était merveilleux. Exact. Il faut qu'ils aient. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils aient la compétence. Oui, sinon ça ne marche pas. Voilà. Ouais, si vous voulez tuer vos Sims, si vous avez des techniques super fun pour tuer vos Sims, tweetez à Les Amis du Pixel ou alors sur Facebook, sur Instagram, même si vous voulez, faites-nous des captures. Enfin, faites-vous plaisir, on attend ça avec impatience. D'ailleurs, si un jour quelqu'un a vécu ça, moi, c'était dans les. Dans les Sims 1, je pense, je n'ai jamais compris ce qui arrivait à ma Sim. Elle s'est mise à je parle, une sorte d'éternuement et ensuite elle est morte. Et si jamais ça arrivait à quelqu'un. Elle a éternué son cerveau ? Oh. Bah peut-être. Et j'ai jamais compris, ça m'a beaucoup perturbée. Et voilà. Bon, alors si ça arrivait à quelqu'un, n'hésitez pas, parlons-en. Appelez-nous, je vous donne mon numéro. On en parle. Alors cela dit, ça me fait une belle transition pour cette notion qui est une. Très spécifique aux Sims sans lui être forcément exclusif, c'est ce moment où le jeu devient un autre jeu, c'est-à-dire pas du tout ce pourquoi il a été conçu. Tu veux dire en tu l'occurrence, es les Sims, c'est un des Sims, voilà. Et moi j'ai vécu ça avec le premier, hein, ce moment où tu mets les codes pour avoir plein de fric et que le jeu devient. Ah, il n'y avait pas un truc genre Clapoussus, non Clapoussus, ouais. Clapoussus dans le premier, je crois. Rosebud, ouais, Rosebud c'était dans le deuxième. Et Motherload. Et après, donc tu te charges en fric et à ce moment-là, le truc devient principalement un jeu de construction. T'as envie de te faire plaisir. On t'achètes tout ce que t'achètes pas dans ta vraie vie. Ouais. Moi, c'est comme ça que je joue aux Sims en vrai. Mais moi, j'avoue que des fois, je me dis. Une fois que t'as connu les codes. Ouais, voilà. Des fois, je me dis, je fais pas les codes. Cette fois, je fais une famille pas trop difficile, pas trop de contraintes et tout. Au bout d'une heure, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est nul, ma baignoire, elle est pourrie, mon machin, il est cassé, mon ordinateur, il sert à rien, laisse tomber, je fais le code et clairement, je ne suis incapable de jouer Sims sans les codes. Moi, je fais les codes voilà, pour blinder super baraque, machin, super équipement, tati, tata et tout. Et après, une fois que j'ai fait ma super baraque, machin et tout, je me dis, bon, maintenant, on va essayer de jouer comme il faut. Enfin, maintenant que t'as la super baraque et tout, de toute façon, tu veux quoi? Enfin, vas-y, non. Fais la fête et amuse-toi. Mais sinon, ce qui est bien aussi, c'est de... moi j'aimais bien faire ça, comme ça c'est pas vraiment de la triche. tu te maries avec un gothique ou tu sais. Ah oui, la famille gothique dans les Sims, qui est la famille qui revient depuis après, les Sims 1. Ça c'est cool. Alors je sais pas si vous avez la référence ou si tout le monde a la référence. Il va falloir nous expliquer. Alors en fait, la famille gothique depuis les Sims 1, c'est une famille, c'est des personnages jouables que tu peux sélectionner. Dans un manoir. Dans un manoir, et selon les éditions et selon les add-ons, je sais, je dis pas de bêtises, t'as des subtilités dans le genre, dans les Sims 3, je crois, Vladimir Gothic est hyper vieux, alors oui. Que dans les Sims 1, je me demande si c'est pas l'enfant de la famille Gothic. Ah. Je sais plus exactement, il y a Sonia Gothic. Enfin, voilà, en fait, la famille Gothic, c'est vraiment une famille récurrente et qui est revenue à chaque édition des Sims. Et limite, elle était attendue. Enfin, c'est le petit clin d'œil. Genre, toi qui as suivi les Sims, tu sais que, effectivement, les Gothiques sont une famille très, très riche. Et donc, comme fait Gabi, tu peux épouser un Gothic et le tuer dans tes piscines. Voilà. Et t'es riche. Est-ce qu'ils s'appellent juste Gothic ou est-ce qu'ils sont Gothiques Alors, ils ont un manoir gothique, peut... mais pas gothique dans le sens habillé en noir, gothique, le manoir. Au sens historique. Ouais, voilà, c'est architectural. Architectural voilà. Du terme. Donc, en gros, s'il y a un Sims 5 qui sort un jour et qu'il n'y a pas la famille gothique, vous allez être super déçus. Franchement, ouais, totalement. Et en même temps, si c'est un running gag. Parce que déjà, dans les 4, ouais. Il est. Si je dis pas de bêtises, dans les 4, c'était. Enfin, je sais pas, j'étais un peu déçue déjà. Attends, continue à parler, hein, je. Non, j'ai dit continue à parler. Bon, on va essayer de trouver une transition. On parlait donc des codes de triche, du moment où le jeu se fait différent et où on joue pas du tout à ce que les développeurs ont fait, mais où on joue au truc auquel on a envie de jouer. Est-ce qu'on en profite quand même dans ces cas-là ou quand il n'y a plus le défi, est-ce que c'est moins intéressant? Bah, moi, je pense pas, parce que tu peux te mettre d'autres défis. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus satisfaisant de commencer sans triche, mais après, tu peux faire toute une dynastie de Sims. Tu peux imaginer tous les rebondissements que tu peux imaginer. Enfin, tu peux vraiment. Puisque c'est toi qui fais l'histoire, tu peux avoir des rebondissements de fou, tu vois. Donc je pense que tu peux quand même toujours trouver matière à jouer. Enfin moi en tout cas j'ai toujours réussi à... Non, moi je sais que voilà, bon, je faisais ça beaucoup en passant hein, parce que j'y ai joué un petit peu, mais je faisais pas, c'était pas un jeu suivi non plus. Enfin, effectivement j'avais en début je me disais bon j'ai pas forcément envie, je faisais ça vraiment en loisir pur, donc je me mettais un peu les codes pour avoir du pognon. Une fois que j'avais mon pognon, je me faisais une super baraque sans faire non plus un truc de dingue, mais je me faisais une belle petite baraque équipée, piscine, machin et tout, parce qu'il faut pas déconner. Et à la piscine. Non, mais moi c'est mon souhait. À un moment donné, mon désir à long terme, voilà. Quitte à créer ta maison de toutes pièces, tu te dis bon, à un moment donné, on va essayer de refléter un peu mes rêves, tout ça, donc tu fais une maison de fou. Et en fait, une fois que j'avais fait ma maison, je me disais, bon, allez, là, t'as ta maison, t'es bien, t'es posé, tout, machin. Bon, le pognon, tu sais pas d'où il est venu, mais il est venu. Et à partir de là, en fait, je repartais normal, tu vois, à chercher du boulot, à rencontrer des gens, à machin, à essayer. Parce que moi, je commençais toujours avec un sim, en fait, je me faisais pas de famille. Et de dire, ben voilà, à rencontrer des gens, à essayer de rencontrer quelqu'un pour te mettre en couple, pour faire une famille, pour machin et tout. Bon, j'ai jamais réussi à pécho dans les Sims, ça. Ah bon ? Je n'ai jamais réussi à pécho. Mais comment tu te... Non, mais c'est dingue. C'est un coup de main. Franchement, c'est un coup de main. Non, mais je peux pas pécho, enfin. Tu sens que Gabi, elle a le truc. Puis j'ai essayé dans tous les... Enfin, j'ai essayé dans tous les sens. Non, mais j'ai essayé dans tous les sens. C'est vrai que j'ai essayé de pécho dans tous les sens. Ouais, c'est quand même voilà. Non, mais en vrai, fin, que ce soit en termes de, on va dire, de filles et filles, garçons et garçons, filles et garçons, enfin, si tu veux, j'ai essayé un peu toutes les combinaisons possibles. Et... J'ai une question hyper sérieuse. Est-ce que tu as eu les Sims avec les add-ons avec des animaux? Parce que tu pouvais être un animal et pécho un autre animal? Oh, j'ai trop peur de la transition. Non, là. Ouais, mais non, j'allais demander si en tant qu'animal t'arrivais à pécho un animal ou non, pas. Non, j'ai pas. Ça... Je te dis, moi j'ai joué tellement peu aussi parce que il me semble que celui que j'ai, ça doit être le 3. Mais j'ai dû acheter peut-être un ou deux add-ons et sans plus. Fin... Alors que nous, pigeons de notre état, on les a tous achetés. Mais moi je dirais aussi que. Non, on les a achetés, s'il vous plaît. Pour pécho, comme tu dis, il faut pas être trop pressé aussi. Enfin, je veux dire, ça se travaille, c'est un travail de fond. Franchement, c'est un travail de fond. Sur le coup, t'essayes, puis non, attends, là, c'est un peu trop, donc tu le fais fuir, c'est pas la peine. Puis t'essayes un peu plus tranquille. Puis, ah si, la seule fois où j'ai failli pécho. je sens qu'on va pas pleurer. Non, mais c'est moi qui suis pas allée jusqu'au bout cette fois, parce que genre en soirée et tout, machin, t'invites un peu tous tes voisins, tout le monde et tout. Donc moi, je fais un Tu pourras couper le début et on peut apprendre ça juste. Ouais, totalement. En dehors du contexte, ça peut être cool. Là. Très, très drôle. Et fini par genre, tu fais un Sims, entre guillemets, en début de vie d'adulte, tu vois. Et en fait, sur le coup, c'est genre une vieille qui a commencé à s'intéresser à bien. Puis alors, voilà, en plus, les bruitages des Sims, c'est super drôle, ça me fait marrer à chaque fois. Non, mais voilà. Et tu te dis, non, à un moment donné, je veux faire une famille avec toi, je pourrais pas, ça va être compliqué. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est toi qui te barres dans l'autre sens, tu sais. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai failli, puis moi j'ai arrêté. Mais. Alors, non, mais voilà, moi, je suis passée au stade du dessus de la cagne quand je joue aux Sims. C'est qu'en plus du code de triche pour avoir beaucoup d'argent, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, parce qu'en fait je ne m'étais jamais trop posé la question, mais il y a quelques, je sais pas, mois, peut-être, années, je ne sais pas trop, enfin je sais pas exactement, mais je me suis dit, mais il doit bien y avoir un code pour tricher pour les relations aussi. Et évidemment, il y a un code pour tricher pour tout ce que tu veux, pour les carrières, pour les compétences, évidemment. Et donc du coup, bah, maintenant quand vraiment j'ai la flemme, hop là, le code. Mais je trouve que c'est plus facile de pécho dans les Sims 4 que ça ne l'était dans les Sims 3, notamment. Ah oui. Ouais, mais après, c'est... C'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein. Dans les Sims 4, je trouve que c'est plus facile. Je sais pas si c'est parce que, en fait, avec les humeurs, t'as l'humeur enjôleuse. Oui, exact. Et quand t'arrives à l'être et que ton Sims en face l'est aussi, franchement, mets les doigts dans le nez. C'est tellement facile. Ouais, c'est hyper facile. Donc voilà, du coup, c'était le point pécho. On parle justement de l'amour et de la sexualité dans les Sims. Ça reste une série qui, est aussi connue pour sa liberté de ton et de mœurs. Notamment parce qu'on peut avoir une relation avec un Sims du même sexe. Ça a toujours été le cas, ça, depuis le début, depuis les premiers. Alors, je ne sais ou pas. Ou c'est apparu parce un petit que peu je dirais oui. Je pense aussi, oui. Mais j'ai pas essayé à l'époque, je pense, parce que je trop jeune. Pas, parce que ça m'a le jamais... mariage, je sais pas, mais les relations. Ouais, je dirais que oui aussi. Je dirais hein. Que c'est depuis le début, ouais. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé très tôt et qui a toujours été un choix très courageux, surtout dans le jeu vidéo, qui est quand même souvent un truc développé pour des mâles hétérosexuels, enfin en termes de marketing. Hein. Il suffit de voir tous les trucs qui se vendent bien encore aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de la tenue de Bayonetta ou pardon, excusez-moi, je baille en même temps. Ah, c'est encore autre chose, ça. Ah, moi, je pensais à... comment il s'appelle Beach Volley, là. Ah oui, ça, c'est un bon exemple de jeu pour mâles hétérosexuels. C'est moi, c'est à ça que je pensais quand t'as dit ça. T'es dans Relève Extreme Beach Volley. Voilà, c'est ça. Mettez ça dans votre navigateur, dans votre moteur de recherche préféré, vous allez voir, c'est fascinant. Enfin, en gros, pour voir des gros boobs avec des maillots quasi inexistants. Ouais, c'est japonais. À peu près. C'est, voilà, c'est la Team Ninja, c'est leur spécialité. Et juste une seconde pour revenir à ta question là tout à l'heure de finalement, quand tu mets les codes, est-ce qu'il y a un intérêt? Moi, je dirais que ça nous permet vraiment de jouer comme on est. Et d'ailleurs, moi, j'ai été quand même une personne. Enfin, quand j'ai décidé avec ce sim, par exemple, je vais arriver en étant, je sais pas, président du monde libre. C'était quoi là? Ah, ouais, je sais plus ce que c'est. Je me souviens plus. Ça fait très America. Voilà. En fait, moi, ça m'arrivait de faire beaucoup de familles, en fait. Tu vois, tu prends une famille, tu te lasses, bah tant pis, tu la laisses totalement vivre. Et puis après, tu fais une autre famille. Est-ce qu'elle continue à vivre pendant ouais que tu joues? Ça, c'est récent. Ça, depuis c'est récent. Les Sims 3. Depuis les Sims 3. Et donc, elle vit en même temps que toi. Mm-hmm. Et donc, ça permet, enfin voilà, si tu t'ennuies, tu fais autant de familles que tu veux. Parce que quand on crée sa famille, on choisit son implantation dans un quartier, en fait. C'est ouais, ça, hein. Voilà, selon tes ressources. Selon tes revenus. Tes revenus, tes préférences aussi et tes aspirations. Enfin, mm, les quartiers qui se rajoutent avec les add-ons au fur et à mesure. Et oui, exact. Pour refermer un petit peu le sujet sur les codes, moi, le seul que j'ai en tête, c'est celui qui permettait d'avoir du cash. Oui. Mais il y avait d'autres choses qui pouvaient être pratiques en termes de gameplay. J'ai oui pas utilisé les autres. Alors, moi, l'autre que j'utilisais avant... Ah, l'humeur, peut-être ouais, pour l'humeur. Celui de l'humeur, en fait, le code, c'était... Move object, donc c'était on. Exact. Et donc tu tapais ça et ça te, en fait, t'étais en mode debug et tu pouvais sélectionner ton Sims et tu pouvais supprimer ton Sims et revenir dans ta famille. Et une fois que tu revenais dans ta famille, ton Sims était de super bonne humeur parce que c'était comme quand tu venais d'emménager, parce que quand tu venais d'emménager, l'humeur de ton Sims se réinitialisait dans les Sims 1 et 2. Et donc voilà, moi j'utilisais ça aussi et puis moi depuis j'ai découvert tous les autres. On utilisait ça aussi pour le mettre dans une pièce fermée pour qu'il meure. Oui, voilà, exactement. On était vraiment des monstres déjà à l'époque. Voilà. Tu disais que tu utilisais un code pour les relations. Oui, maintenant il y a un code qui est genre relationship romance, genre underscore romance, et nom du Sims 1, prénom du Sims 1 ou le contraire, je sais plus, et pareil pour le Sims 2. Et en fait, il faut que tu le fasses dans les deux sens, en inversant Sims 1 et Sims 2, parce que c'est du Sims 1 vers le Sims 2 et ensuite il faut que tu fasses du Sims 2 vers le Sims 1. Ça permet de forcer les sentiments. Ouais, ça permet de forcer les sentiments des PNJ aussi. Enfin voilà, c'est après tu peux pécho un PNJ, tu penses que le mec il est trop riche parce que c'est ton propriétaire et que t'habites dans un appart de ouf et en fait le mec il emménage chez toi avec 20 000 Simflouz parce que quand un PNJ devient un personnage jouable, et ben il a que 20 000 Simflouz, donc c'est juste trop l'arnaque, le mec c'est ton proprio, t'as un appart de ouf, il a pas une thune. Enfin, ah, ça fait avoir il y a pas longtemps, j'ai essayé. Ah, je fais une parenthèse, les PNJ donc les personnages non joueurs, donc tous ceux qui ne sont pas contrôlé par le joueur, pas contrôlé ou pas contrôlable ouais par le joueur. Qui sont pas déjà dans un terrain, en fait, sur un terrain de tes mondes. Et à ce propos, juste ça me fait penser, et je pense aussi qu'il y a vraiment une multitude de façons de jouer aux Sims, puisqu'il y en a qui vont mettre avec un peu d'autonomie ouais pour les Sims. Et le libre arbitre des Sims. Les folles du contrôle comme moi. Mmh. Oui, parce qu'on ça n'existe jamais. On peut donc décider de lui dicter chacune de ses actions, voilà, ou au contraire de laisser, faire plus ou moins. Il y a un degré, c'est pas. Joueurs. C'est un curseur. Voilà, c'est un curseur à déplacer. Et donc parfois les Sims sont coincés parce qu'ils ont posé la vaisselle par terre et qu'il n'y a pas oui la place. Oui, alors ça n'arrive plus. Hein. Ça n'arrive plus. Non, moi j'ai un souvenir vraiment de ça. Non, dans les Sims 1, beaucoup, les Sims 2, un peu. Globalement, sincèrement, c'est rare. Bon, non, il y a toujours des trucs à la... Ouais, passe voilà. Par-dessus. Non, il les ramasse en fait. Après, il y a encore des trucs un peu couillons des fois, genre si ta chaise elle est un demi-carré, parce que maintenant tu peux les mettre certains meubles à des demi-carrés plus loin, ta chaise elle est un demi-carré trop loin, il va pas s'asseoir à devant la table, enfin des couillonneries comme ouais, ça, quoi, mais c'est pas grand-chose. Oui, pas... parce que je me souviens vraiment dans le premier dans point de vue architectural, ouais. Fallait pas se rater. Sinon, ça donnait vraiment des comportements bizarres. Il fallait la place de passer. Je me souviens qu'avec Gabi, on comptait les blocs par terre, tu te rappelles ? Ouais. Et on se demandait si on aurait la place de passer et tout ça. C'était toute une technique. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu particulier aussi mon jeu des Sims parce que. Est-ce que tu veux nous parler de ton toc avec la symétrie ? Ah, non, c'est moi, ça, pardon. Non, mais c'est vrai que moi aussi. mais il faut savoir que moi, j'ai toujours eu horreur du mode construction. J'ai jamais aimé construire des maisons. Du coup, t'achètes toujours des maisons ? C'est marrant parce que c'est exactement le contraire de Mag. Hein, où je fais juste des carrés. Je fais des carrés. Et tu es tout. Et donc oui, j'ai toujours eu horreur, moi, par contre. Alors, et des maisons à étage aussi. Maintenant, il y a un truc pour les gens comme toi. Ouais, hein. Ça, je suis d'accord avec toi, par contre. Dans les Sims 4, t'as un workshop. Hein, je sais pas trop comment appeler ça. Tu peux aller télécharger les maisons que les autres ont fait. Ah bah voilà. Et pas uniquement les maisons Maxis. Du coup, t'as les maisons préférées suivies par Maxis, machin. Mais t'as aussi des maisons faites par monsieur, madame. À chaque fois, ils t'indiquent quels add-ons tu dois avoir pour que ça marche bien chez toi. Parce que clairement, si t'as pas les add-ons avec les portes, eh ben, t'auras pas de porte dans ta maison, par exemple. Donc, t'as l'air un peu con. C'est grave, ça. Ouais, le canapé, c'est pas grave. Les portes, c'est un peu relou. Ouais. Mais du coup, c'est hyper cool. Et moi, j'avoue que... Parfois j'ai la flemme, j'ai juste un truc en tête, genre ah lui j'ai envie qu'il soit médecin ou, ou elle j'ai trop envie qu'elle soit astronaute ou quoi, et j'ai pas envie de me prendre le chou pendant 2 heures à faire ma maison avant, ouais. Et du coup de prendre une maison qui me plaît bien, et voilà, donc franchement pour ça c'est vrai que les Sims 4 c'est hyper simple. Parce que c'est vrai que je vois qu'il y a des gens qui passent vraiment du temps à faire des maisons, et moi j'ai en tant que fille d'architecte, j'ai horreur de ça. Ma maman quand j'étais petite, alors c'était les Sims 1 à l'époque, avait téléchargé tous les trucs possibles imaginables, genre des meubles, des textures pour les murs et tout, et avait refait notre maison. On avait une grande maison avec une mezzanine et tout, et elle avait refait la maison, elle est allée jusqu'à l'extérieur de la maison, elle avait trouvé des textures avec des pierres, et comme il n'y avait pas de vigne, il y avait de la vigne tout autour de la maison dans laquelle j'ai grandi, comme il n'y avait pas de vigne sur les textures des Sims, des murs, elle était allée genre sur Paint ou je sais pas quoi, elle avait fait des feuilles vertes pour les mettre en texture, et donc elle avait fait les murs sur les briques, les pierres, elle avait mis des feuilles vertes pour faire le tour de la maison et tout, enfin elle avait fait un truc de malade et elle avait passé des heures là-dessus. Ah, et ouais. Clairement ma mère ne jouait pas aussi, mais ma mère me disait bah voilà j'ai fait la maison, si tu veux jouer tu peux y aller. C'était, elle me construisait ma maison de poupée, quoi, et moi j'adorais ça parce qu'elle faisait des trucs de malade, enfin des pièces que même pas toi t'aurais pensé que tu pouvais faire un truc comme ça qui ne sert à rien, il y a juste un canapé mais ça rend trop bien, enfin voilà. Ou alors un patio, moi mon père m'avait fait une maison avec un patio. Ah, voilà, fit architecte. Voilà. Donc voilà, les Sims. Je sais plus ce qu'on disait, mais la façon de jouer. C'est les Sims. Totalement d'où on est parti. Ouais. Oui, là, on était effectivement sur la façon de jouer. Voilà. C'est très consensuel, mais on peut dire qu'il y a autant de façons de jouer aux Sims qu'il y a de joueurs et de joueuses des Sims. C'est vrai. Hein. Oui, c'est assez libre. Ouais. Et juste, je reviens sur ce que disait. Ce que tu disais à propos de la sexualité des Sims, etc. Il y a un add-on qui est sorti il y a un an, je pense, quelque chose comme... Un add-on, pardon, une mise à jour qui est sortie il y a un an des Sims 4, qui permet de choisir... Donc avant, on avait les Sims hommes, les Sims femmes, les coupes de cheveux et les vêtements hommes, les coupes de cheveux et les vêtements femmes. Et en fait, tu as un choix à faire quand tu crées ton Sims qui est homme-femme. Et tu peux dérouler avec une petite flèche des caractéristiques qui sont, est-ce que ce Sims peut tomber enceinte ? Oui, non. Est-ce que ce Sims peut mettre un autre Sims enceinte ? Oui, non. Peut-il faire pipi debout ? Oui, non. Et a-t-il des caractéristiques masculins ou féminins ? Et sachant qu'après, les caractéristiques vêtements et cheveux, tu peux les modifier plus tard pendant la création du Sims encore. Mais du coup, ça veut dire que tu peux totalement faire un Sims qui a le corps d'une femme mais qui fait pipi debout. Tu peux partir sur un Sims androgyne, voire transgenre. Bah, je peux faire des transgenres. Voilà, on est même au-dessus de la notion de genre ou de transgenre, parce qu'on peut attribuer des caractéristiques un peu comme on veut. Enfin, c'est génial. Mais totalement dans le bac à sable. Pour l'expérimentation, ça doit être. Je trouve ça génial parce que ça veut dire que dans le fond, tout le monde peut se retrouver dans les Sims et c'était cloisonné homme-femme parce que la société est cloisonnée comme ça, on va pas rentrer dans un débat, hein. Enfin, c'est pas le but, mais ça l'est plus, et j'ai trouvé ça génial, et je me souviens quand j'en ai parlé, je crois que c'était avec mon père, quand la mise à jour est sortie, j'en ai parlé, il m'a dit, punaise, mais moi, je suis à peu près sûre que dans 2 mois, en Amérique, tout le monde crie au scandale, parce que facilement, ils te disent que n'importe quoi rend les enfants homosexuels ou quoi, enfin, il y a eu une histoire avec les Teletubbies à l'époque, parce qu'un Teletubbies a priori masculin portait un sac à main et que ça allait rendre les enfants homosexuels. Et quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit waouh, mais c'est dingue, enfin, je suis sûre que c'est pas possible autrement. Et j'en ai pas beaucoup entendu parler de cette mise à jour, ni en bien ni en mal finalement. Alors je sais pas si c'est passé crème, si c'est passé inaperçu, mais c'est cool parce qu'elle est toujours là, on peut toujours faire ce qu'on veut de ces Sims. Je pense que c'est surtout dû au fait que la série, surtout maintenant, a quand même une exposition médiatique limitée. Mais je pensais justement qu'on en entendrait parler parce que c'est quand même un truc important, et en fait non, ça aurait pu, hein, parce que le sexisme est très présent chez les joueurs principalement. On le voit avec les mouvements Gamergate, etc., et d'autres jeux avec justement des expositions médiatiques plus fortes, parce que des AAA, parce que des gros budgets avec beaucoup de ventes ont souffert de ça. Je pense à la série Mass Effect par exemple, qui elle aussi dès le départ a fait des choix audacieux, notamment en brisant les barrières de genre dans les relations entre les personnages, dans les relations entre espèces aussi. C'est très particulier Mass Effect, hein, c'est de la SF, clairement tu peux faire des trucs avec des aliens et tout, c'est particulier. Ah, cela dit, tu peux pêcher un alien dans les Sims aussi, hein. Oh, ou une sirène, oui. Et les hommes peuvent être enceintes des aliens. Ah oui, oh, depuis les Sims 1 ça même. Il y avait les aliens dans les Sims 1. Je me demande si tu pouvais, en regardant par le télescope, ah non, dans les Sims 2, t'as raison. Moi, les Sims 2. C'était dans Roswell des Sims 2. Enfin, le Roswell, moi j'appelle ça comme ça, dans le désert, le monde avec le désert. Voilà, exactement, le monde avec le désert. T'as raison. Tu regardes dans le télescope et si c'est un homme qui se fait enlever, il revient enceinte. Ouais, enceinte, ou je sais pas comment on dit ça. Enceinte, ouais. Il est pas très courant pour des raisons qu'on connaît, mais. Des raisons évidentes. Mais oui, c'est vrai, j'avais totalement oublié ça. Donc c'est vrai que les Sims avaient déjà un peu expérimenté. En homme. Et ça, il n'y avait pas eu de réaction spéciale, je pense, à l'époque non plus. Enfin voilà, tout ça pour dire que cette mise à jour, du coup, en tout cas, moi, je trouvais ça hyper cool. J'avais lu un article un jour, alors j'ai même pas pensé à le chercher, j'ai pas fait mes devoirs, mais j'avais lu un article un jour, je ne sais plus d'où ça sortait, franchement, je ne me souviens pas, mais ça disait que certains psys, je crois que c'était aux États-Unis, utilisaient les Sims pour, avec les enfants, en fait, pour les faire jouer, regarder. Alors je sais pas, je suis pas psy, s'il y a des psys qui nous écoutent. Racontez-nous comment ça marche. J'imagine que ce serait effrayant si nous vous regardions. Oui, oui. Alors, oui, effectivement. Non, donc, non. S'il y a des psys qui nous écoutent, arrêtez si d'écouter tout de suite. Si vous regardez, butez les Sims en construisant des murs autour de vous, les gars. Mais donc, du coup, ils regardaient des enfants jouer. Être heureux de ça. C'est ça. Ils regardaient des enfants jouer. Et je sais pas. Je crois de mémoire que c'était une façon de les laisser s'exprimer et de les faire parler, etc. Enfin, ils disaient aussi que les enfants avaient tendance à créer des Sims qui leur ressemblaient pas forcément, mais qui ressemblaient à ce qu'ils auraient aimé être. Et qu'il l'exprimait, qu'il disait pourquoi ta Sims est blonde, parce que c'est trop beau et que moi je suis pas blonde mais j'aimerais bien, et enfin voilà. Et c'était hyper intéressant. Ouais, mais je pense que chez moi, j'ai pas cherché. Je pense que l'utilisation des Sims avec la liberté que ça offre va permettre d'extérioriser soit un désir de piscine profond, comme tu dis, voilà, une petite fille mettant brune qui va faire un Sims blonde parce que elle trouve ça joli, soit d'extérioriser peut-être certains malaises ou certaines peurs, ou voilà, d'essayer de passer par le Sims pour combattre ça en fait et pour sortir de sa situation. Et effectivement, ça peut être quelque chose de très intéressant d'étudier ça. Enfin, certains enfants qui ont peut-être du mal à le verbaliser, qui vont peut-être justement plus facilement s'exprimer comme ça en fait. Je passe sur un sujet qui n'a pas forcément à voir, mais la série a la réputation souvent d'être jouée plutôt par des joueuses que par des joueurs. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Est-ce que vous avez déjà beaucoup de gens qui jouent ou ont joué aux Sims dans votre entourage ? Et si oui, est-ce que ce sont majoritairement des joueuses comme on le prétend ? Gaby ? Alors moi, oui, globalement, ma sœur et moi principalement. J'ai fait découvrir aussi à pas mal de copines. Néanmoins, mon petit frère y a joué un peu. Bon, rien, aucune commune mesure avec ma sœur et moi, mais un petit peu. J'ai fait jouer aussi un pote à moi, plusieurs potes hommes à moi, mais voilà, ça ne dure pas très longtemps. Ouais, je suis marrant parce que le même constat de mon côté, beaucoup de copines. Même quand on était au collège à l'époque, quand les Sims 2 sont sortis notamment, beaucoup de copines ont été nombreuses à jouer. Gros bisous à Flo, je suis sûre qu'elle nous écoute d'ailleurs, désolée. Garçons, pareil, j'ai mes petits frères qui ont joué pendant un moment, mais je pense que ça les a vite plus ou moins gavés. Je crois que c'est tout en fait. Je connais pas trop de. Ah si, si, si, si. J'avais un copain qui était hyper fan des Sims, qui avait tous les add-ons. Et lui, je crois que son truc c'était d'avoir les plus grandes maisons, les plus somptueuses possibles. Voilà, c'était. Mais ça allait pas mal avec son souhait à long terme à lui aussi en fait, finalement. Enfin, c'était vraiment. Ouais, c'était ça, il s'éclatait, il rêvait totalement quoi pour moi. Enfin, je pense que c'était ça quoi, il le voyait comme ça et il s'éclatait comme ça et voilà. Mais du coup, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, justement, d'utiliser dans ce cas-là les Sims pour sortir d'une frustration aussi ou réaliser un rêve ou une envie qui est plus difficile peut-être à réaliser dans la vie, en fait. Le premier truc que je fais quand je joue aux Sims, quand je crée une maison, c'est une piscine. Et les gens qui sont autour de cette table savent à quel point j'ai une obsession pour le fait d'acheter une maison avec une piscine ou une maison avec un terrain piscinable. Je pense que je parle de piscine 12 fois par jour, encore plus depuis que j'habite dans un endroit où il fait beaucoup trop chaud, les gars. Voilà. Donc, très clairement, moi, je le reconnais, hein, ma piscine dans les Sims, c'est toujours un truc de malade. Alors, dans les Sims 4, on peut mettre des plaques au fond de la piscine qui font des bulles. Autant vous dire que je suis joueuse. Moi, tu remarques, hein, dans mes Sims, toutes les maisons que j'ai pu faire, les différentes maisons, ont quelque chose en commun sur la forme. C'est qu'elles ont des formes de type domus romaine. Donc, ça va être des maisons en U, avec la piscine au milieu du U. C'est marrant parce que j'ai eu ma période comme ça. L'entrée complètement à l'opposé. Ah. Et je trouve cette forme de maison, je sais pas, super kiffante. Et j'adore ça, j'en ai vu et tout, et j'adore cette idée-là, de dire à un moment donné, tiens, à peu près toutes tes pièces qui communiquent avec ton jardin qui est à l'arrière de la maison, tu vois, parce que je le faisais toujours de la même manière. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment eu la même période. T'avais l'entrée sur le fond du U, tu vois, et je suis vraiment, et si un jour j'avais moyen de construire ma baraque, faudrait que je gagne l'auto beaucoup. Sur le clavier. Ouais, si seulement. Bonjour, là, mais ouais, un truc comme ça, c'est un truc qui me ferait kiffer, quoi. Enfin, voilà, Mais est-ce que vous avez d'autres, moi j'ai une question, est-ce que vous avez d'autres patterns comme ça qui reviennent? Parce que moi c'est pareil, en fait, au moment où tu l'as dit, ça m'est revenu, j'ai fait la même chose pendant longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous faites systématiquement dans vos Sims, genre comme moi avec la piscine, quoi, ou... Moi, c'est la maison carrée. Avec l'espace dans le milieu ouvert, le patio extérieur, ouais, le patio, effectivement. Ouais. Il y a un terme pile poil et je ne l'emploie jamais. Mais avec la piscine dedans. Ouais. Moi, c'est ça, c'est soit en U, soit en carré comme toi, avec la piscine. Toujours carré, fermé. Et plein pied. Tu parles de construction. Ouais. Peu importe, même dans le mode de vie. Et plein peut-être, pied. Ouais. Et plein pied. Parce que c'est un traumatisme d'escalier. Non, ah, mais grave. Par contre, c'est extrêmement gênant. Parce qu'en plus, j'ai tendance à partir avec les codes et faire beaucoup trop grand dès le départ. C'est extrêmement gênant parce que du coup, les Sims mettent trois plombes à traverser la maison. Ouais, parce qu'en plus, ils passent toujours par l'intérieur. Ils traversent pas tout droit, même s'ils pourraient passer par dehors. Ils ont tendance à rester à l'intérieur de la maison. Du coup, à force, je l'ai fait sur la même forme, mais beaucoup plus petite. Moi, comme je vous ai dit, je ne fais pas le mode construction. Ah oui, tu fais que des carrés. Je ne touche pas à ça, bande de malades. Mais dans le terme mode de vie... Ou même dans l'aménagement, genre un meuble que tu mets tout le temps. J'ai plutôt des patterns de mode de vie. Ouais. Mais je n'assume pas du tout que ça puisse ressembler à des rêves que j'ai. Ah, pardon. Voilà. Alors, c'est quoi? Tu nous dis ou tu nous dis pas? Non, elle n'assume pas. Assumer son truc en disant que ce n'est pas du tout un rêve. On en parlera après. Pour temporiser un peu tout ça, nous, on parle de pattern de la forme de la maison, par exemple, ou de la piscine comme d'un rêve. Mais après, ça peut être simplement être une pattern ou une habitude de jeu, de se dire, oh là, je fais mon jeu tel quel, qui ne va pas forcément refléter quelque chose. Alors, je me suis rendu compte d'un truc... C'est que je finis systématiquement par marier mes Sims. Depuis toujours. Hein, et je le fais toujours. Alors que franchement, le mariage, c'est moi, tellement pas bien. Une priorité dans ma vie. Ouais, voilà, dans tu vois. À moi. Non, mais c'est vrai. Je rigole, mais c'est vrai. C'est en ce sens que je te dis, c'est peut-être une pattern que t'as dans le jeu, mais que t'as pas forcément, qui reflète pas forcément quelque chose. De la même façon, mes Sims, ils ont toujours une marmaille pas possible. Hein. Non, voilà. C'est pas. Maman, si tu m'écoutes, tu vas être rassurée. non, mais je me suis retrouvée avec des familles avec 8. Donc 8 Sims, c'est le maximum. Donc les deux parents et 6 enfants. Non, ingérable. Voilà. Mais parce que c'est plus amusant à jouer, justement, bah, d'avoir plein non, de Sims partout. Non, pas forcément. Parce c'est même chiant être, en vrai. Ça doit être galère. Il faut qu'on c'est affreux. Le monde, il faut... Franchement, les enfants. Ah, mais surtout affreux. Pour les gens qui mettent le libre arbitre à zéro. Comme ça nous. Moi, je le mets quand même un peu hein, parce que j'ai du mal sinon. Ah, mais il n'y a que moi qui suis une. Non, mais c'est pas grave. Psychomaniaque. Non, mais tu vois, sur les patterns de jeu, le libre arbitre à zéro, ça en fait partie parce que visiblement, tu ne le mets jamais. Ah non, ça me donne des. Des sueurs froides. Et voilà. Non, mais... de questions qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Ah non, le truc, le pire qui puisse arriver dans The Sims, c'est tu te lasses de ta famille, t'en fais une autre, et ta Sims a été enceinte et t'as oublié, et tu retournes pas jouer avec cette famille à temps, et elle accouche, elle lui donne un nom, mais un truc à coucher dehors, et tu te dis, mais pourquoi t'as fait ça? Avec des traits de caractère dégueu. Ouais, voilà, le gamin, c'est un enfant, il est kleptomane, il s'appelle Pierre-Henri, désolé, excusez-moi s'il y a un Pierre-Henri. Johnny. Non, mais non, Pierre-Henri, ça marche pas, c'est un vrai prénom, mais il a un prénom vraiment à la con, quoi, et toi, t'es dégoûté. Ou genre, dans ta famille, tu leur as tous donné des noms hyper classiques parce que tu t'es dit, oui, c'est des bourges, machin. Le gamin, il s'appelle Dylan. Enfin, ça match pas avec les frères et les sœurs, et du coup, t'es dégoûté parce que ça match pas. Ou... c'est pas forcément le prénom qui est moche, juste ça va pas avec le contexte et toi t'es dégoûté parce que t'es genre ok, j'étais sur mon autre famille, j'ai zappé. Mais du coup, moi je suis toujours, vous savez comment je suis, sans parler de rêve ou de frustration. Oui, debout, la chaise me fait mal aux fesses. Voilà. Vous savez tout. Donc sur les patterns de jeu, Gabi, on parle de fesses. Pardon. Alors, t'assumes, t'assumes pas? J'assume pas du tout, c'est pas du tout mes rêves. Voilà, mais... ne me cataloguez pas. Moi, ça finit toujours en anarchie. C'est-à-dire que... la maison brûle. Ça m'étonne tellement pas. Voilà, je peux faire des choses. Alors, j'aime bien faire... me marier avec un vieux. Enfin, tu vois le Lifetime Wish, ouais. Gold Digger en anglais. Ouais. Donc, en fait, l'objectif pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas... c'est de se marier avec un sim très riche et de voir son fantôme ensuite. Et ça, c'est ton souhait à long terme, donc enfin, dans les derniers temps où je jouais, oui. Mais sinon, non, en général, c'est plutôt... moi, finalement, je ne fais jamais des couples qui durent. Si tu veux, il y a toujours des tromperies. Moi aussi, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'emmerdes. Mais du coup, sur des patterns comme ça, alors que ce soit pas ton rêve, du coup, je conçois. Hein, c'est... de voir un fantôme ? Non, mais même, elle parle d'anarchie, de couple qui dure pas. Simplement, voilà, de dire, à un moment donné, ça reste un jeu vidéo. Donc, tu tapes un gros délire. En gros, tu tapes un gros délire, et ben, ton délire, c'est de faire de l'anarchie, des couples qui partent en live, de te marier avec des vieux. Pourquoi pas ? Enfin. Franchement, le jeu est là pour ça, quoi, finalement. Il veut dire un truc horrible. Aujourd'hui, dans C'est mon choix, ma copine joue aux Sims et j'ai très peur de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, dans Allo Docteur, dois-je considérer que ce que fait ma copine dans les Sims va avoir une influence sur ma vie de couple? La réponse est non, ça reste un jeu et avant tout, on y joue et avant tout, on le fait pour s'amuser. Ben, on le fait pour s'amuser, peut-être pour se défouler un peu, mais sans forcément que ça ait d'impact sur moi, ta vie. Moi, j'ai jamais essayé de tuer mon chéri en l'enfermant entre quatre murs sans porte, je tiens à le signaler. Voilà. Et en même temps, la maçonnerie, c'est pas ta spécialité non plus. Effectivement, si vous me connaissez, je suis un peu. Mais peut-être que. Méfie-toi quand même, peut-être avec la piscine. Enlève les clés. Méfie-toi quand il y aura la piscine. Enlever l'échelle. Peut-être souviens-toi de ça. Fais en sorte que soit l'échelle soit pas enlevable, soit que même sans l'échelle tu puisses sortir de la piscine, histoire d'être tranquille. Comme un Sims. Pardon, excuse-moi. Allez, avançons un petit peu. La partie comme ça, c'est pas sûr que t'aies ta piscine un jour. Avançons un petit peu dans le temps. À nouveau, donc on est sur la fin du développement, enfin, pardon, la fin de vie des Sims 2, donc la fin du développement de toutes les extensions et de tout le pack de contenu. Et la particularité, à ce moment-là, c'est qu'entre-temps, on a eu le rachat par Electronic Arts. Je vous refais pas le... Qui va créer une équipe distincte. Donc Maxis se retrouve hors des clous. On leur retire la licence des Sims. Et donc les jeux suivants seront développés par... Enfin, en tout cas, les Sims 3 est développé par une équipe spécifique. Qui s'appelle The Sims Studio, donc vraiment les mecs sont dessus. C'est écrit dessus. Et donc, comme le port salut. En juin 2009 sort les Sims 3, et alors là, c'est la fête. Alors du là, slip. J'étais obligée de racheter un ordinateur. Voilà, on est sur une quantité absolument phénoménale de portage, à mon avis de qualité pas tout à fait distincte. Parfois douteuse. Windows, Mac, ça c'est classique. Et après, on a 4 plateformes mobiles, rien que ça. iOS, Android, Windows Phone, Bada. Exact. Alors Bada, c'est un OS un peu obscur. Là, comme ça, je dirais chinois, mais je suis pas sûr de, pas très sûr de ce que je dis. PS3, Xbox 360, Nintendo DS, oui. Et 3DS, à nouveau, 2 générations de consoles portables. 11 extensions, 9 packs de contenu. 1,5 million de ventes la première semaine. Million de sellers la première semaine, croyez-moi, il y a beaucoup d'éditeurs qui rêvent de ça. C'est à l'époque le meilleur lancement pour Electronic Arts, 15 millions d'exemplaires vendus sur toute la durée de vie du titre. C'est absolument énorme. Donc on est à l'apogée de la série. Des Sims, ils referont pas de tels scores derrière. Alors, je voulais juste vite fait le nom des extensions pour voir si ça vous rappelle quelque chose. Donc on a Destination Aventure, Ambition, Accès VIP. Vous notez que, genre, par exemple, Accès VIP, c'est globalement l'équivalent de Nuit de Folie du précédent et de Permis de Sortir du précédent précédent. Oui, on reste exactement sur les mêmes patterns. On repart de zéro et on Génération, Animaux et Compagnie, qu'on retrouve pour la troisième fois, encore une fois. Showtime, Super Pouvoir, qui est plus ou moins l'équivalent de Abracadabra, dans le premier. Saison, University, Île de Rêve et En Route vers le Futur. Donc très clairement, ouais, on a énormément ceux des vacances et tout qu'on retrouve des précédents. Et après, on a les kits Inspiration Loft, Vitesse Ultime, Jardin de Style, Vie Citadine, Suite de Rêve, Katy Perry, Délices Sucrées. Il était génial, tu pouvais avoir un maillot de bain glace, enfin, c'était merveilleux ce truc. Diesel, encore une fois une marque, années 70, 80 et 90. Pour le coup, Katy Perry, on est aussi sur un cinéma, partenariat de marque. Oui, Katy Perry aussi, oui. Effectivement. Et après, il y a eu des mondes dans certains disques additionnels ou des mondes que tu pouvais acheter encore séparément, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors, moi, c'est parce qu'entre-temps, je me suis reposé la question de comment, à un moment donné, j'ai acheté les Sims, parce que j'ai pas acheté les Sims plein pot. Et me semble-t-il, Monsieur Poutounours va me confirmer, c'est en bundle. Ah, il y a eu un bundle chez Humble Bundle des Sims 3. Ouais, mais carrément. L'année où j'étais en Erasmus. Et voilà, d'ailleurs, c'était à ce moment-là, alors je sais pas si c'est à peu près à ce moment-là ou pas, mais il y a eu la plateforme Origins pour installer les Sims, Ah ben bah le bundle, c'était un bundle Origins. C'était un bundle Origins, j'ai été obligée d'installer Origins à ce moment-là, et je l'ai eu dans un bundle. Voilà, c'est juste que d'un coup j'ai eu un éclair génial, mais attends, j'ai pas souvenir d'avoir acheté les Sims plein pot, et effectivement c'était l'occasion d'un bundle. Alors je sais qu'il y en avait un que je t'avais offert, mais c'était peut-être celui-là. Le suivant. Non, c'est celui-là. Celui-là ou le suivant, ok. Bah ouais. D'accord. Voilà, ou c'était un bundle Sims où ça avait été, bah tiens, comme ça tu pourras jouer aux Sims... Tu pourras me foutre la paix. Voilà. Mais non, c'était une période où le boulot était genre un peu chiant et tout. Il m'a dit, écoute, du coup, toi aussi, tu as tué des Sims. C'est un bon exutoire, les Sims. Non, moi, c'était un exutoire dans le sens inverse. C'était un exutoire dans le sens inverse où ma vie pro était pas trop par là. Donc, à un moment donné, les Sims, c'était l'exutoire de dire, bah, écoute, voilà, j'ai du pognon, je fais la baraque que je veux. Et... D'ailleurs, tu vois, est-ce que vous jouez aux Sims tout le temps? Enfin, est-ce que vous avez des périodes? Parce que moi, je sais que par exemple, les Sims. C'est souvent des moments où je déprime un peu. Genre, je suis un peu saoulée, tout me saoule et tout. Et je me dis, oh, tu sais quoi, je vais jouer 2 heures aux Sims, ça va me remonter le moral. Et franchement, les Sims, c'est con, hein, mais juste ça fait du bien. C'est, voilà, t'es contente, t'es un peu déprimée, t'as joué 2 heures. Enfin, après, alors, un jour, Gabi, il y a pas très longtemps, m'a dit quelque chose du genre, les Sims, il faut pas commencer, c'est comme, c'était quoi? Comme l'alcool, comme la drogue, je sais plus ce que c'était et la le phrase exacte. Ouais, peut-être bien. Ouais. Mais c'est vrai, je pense que c'est vrai. C'est dur de se dire je joue que 2 heures, mais. Oui, j'ai dit que tu pouvais à ce moment-là renier père, mère, enfant. voilà. Donc, moi, c'était pas des périodes. Moi, c'est vraiment une addiction qui a duré. Il a fallu que je coupe. Ouais, moi, c'était ça pour essayer de se faire. Il fallait que je sois radicale. Maintenant, beaucoup moins, c'est parce que je n'ai pas le temps. Enfin, je pourrais, mais il faudrait que j'arrête de dormir globalement et je ne peux pas me permettre. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, cela dit. C'est difficile. Les Sims, tu commences, tu sais pas quand est-ce que tu vas t'arrêter. Mais c'est ça, moi je sais, quand j'ai commencé là, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais dans une période super creuse. Et j'y ai joué un peu, et puis la période creuse est passée, et puis j'y ai plus joué. Et là, c'est parce que tu m'en as reparlé il y a pas longtemps, où je suis, pour le coup, tu sais, les creux, ça va, ça vient, ça revient toujours à un moment donné. Et où je me dis, à un moment donné, c'est quand j'aurais dû me remettre aux Sims, finalement, ça m'aurait occupé. Et des fois, je me demande si je vais pas m'y remettre un petit peu. Mais bon, du coup, je suis aux 3, donc peut-être sur les 3, parce que je... Quand, forcément, comme je dis, quand ça arrive dans des moments de déprime ou dans des moments de creux, acheter les Sims, c'est pas trop ça, mais au moins aux 3, me remettre peut-être. Vous m'y reverrez peut-être un de ces 4. Qu'est-ce qu'on a de nouveau dans cette version? On est quand même à la... au troisième titre. Alors, figure-toi... Le monde ouvert. Ouais, alors, nouveauté de malade. Et là, du truc de ouf. Vous ne voyez pas, mais on est quasiment dans le noir. Et même dans le noir, j'ai vu les yeux de Gabi qui est en face de moi, mais s'illuminer, quoi. Vas-y, je te laisse en parler parce que c'était un truc de malade au monde ouvert. Oui, c'est-à-dire que il faut savoir que dans les Sims, tout ce que tu faisais, tu pouvais te déplacer. Mais ça veut dire que c'était des temps de chargement plus ou moins longs selon ton ordinateur. Un taxi. Et oui, à chaque fois, taxi, donc attente. Après, tu arrives dans le mode où tu choisis où tu vas. Tu choisis où tu vas, ensuite encore attente, et tu arrives où tu vas. Enfin, beaucoup de... Bref. Beaucoup d'attentes, non ? C'est vrai, beaucoup d'attentes. Il y avait un temps de chargement quand même extrêmement long. Et donc, les Sims 3 ont signé un monde ouvert. C'est-à-dire que tu n'avais plus de temps de chargement, tu étais connecté. Enfin, en gros, tu pouvais... Le monde était là, en fait. Tu étais dans le monde. Ouais. C'était génial, ça. Et donc, tu voyais des Sims bouger. Tu pouvais aller voir ce qui se passait à côté. Vas-y, rajoute. Dans les versions précédentes, on était un peu plus enfermés. On pouvait pas se déplacer partout comme ça, comme dans les Sims 3. Bah, en fait, il fallait prendre un taxi à chaque fois. Enfin, tu voyais pas, si tu veux, ta parcelle. Elle s'arrêtait. Tu voyais pas que faire ta parcelle. Ton écran. On avait des murs invisibles. Ouais. Voilà. Qui te limitaient, juste ta parcelle. C'est tout. D'accord. D'ailleurs, alors, arrêtez-moi si j'ai une bêtise. Dans les Sims 1, tu n'avais que genre une, je sais pas combien de parcelles. Je sais plus combien, mais bon, t'avais que les parcelles. T'arrivais sur ces terrains-là, cette ville-là, ce quartier-là, et c'était fini. Je crois que les Sims 2, on a commencé à voir plusieurs quartiers, et chaque quartier correspondait à une partie, si je dis pas de bêtises. Tu choisissais ton quartier, tu lui donnais un nom, et en fait, c'était l'équivalent d'une partie. Donc, tu pouvais avoir plusieurs parties dans le même quartier, à condition de les nommer différemment. Et dans les Sims 3, du coup... Je ne sais plus exactement comment ça marchait les quartiers, mais en tout cas effectivement, t'avais un monde ouvert et c'était un truc de malade. Enfin, tu pouvais faire glisser ta souris sur le côté et aller jusqu'au restaurant, jusqu'où tu voulais. Et enfin, c'était. Et je pense que c'est dans les Sims 3 aussi que la première fois les familles évoluent en même temps que la tienne évolue. Ouais, totalement. L'âge des. Ouais. C'est-à-dire que les Sims autour de toi vieillissent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ta Sims pouvait accoucher, donner un nom qui n'allait pas du tout avec le reste de la famille. Mm-hmm. Et c'était comme ça, quoi. Mais tu peux le désactiver, cela dit, on peut toujours le désactiver dans les Sims 4. Mm-hmm. Mais c'est pas mal. Et c'était suffisant, ces nouveautés-là, pour renouveler l'intérêt ? À moi, les Sims 3, je l'attendais, mais quand je dis que j'ai racheté un ordinateur, c'est pas une blague. J'avais plus d'ordinateur, j'avais juste un portable, et j'ai racheté une tour. Non, c'est vrai que c'est en plus, c'est l'année où j'ai acheté mon ordinateur. Bah ouais, aussi. Non, mais c'est pas une... On l'a acheté en même temps, je crois. Ouais, non, je pense que tu as raison, c'est pour ça que j'ai acheté mon ordinateur. On était comme des dingues, on savait qu'il y aurait des nouveautés. Donc notamment le monde ouvert, ils avaient vachement misé là-dessus. Et après dans les add-ons, alors bon évidemment il y a eu les add-ons, donc les classiques dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a eu, alors dans Destination Aventure, c'était assez sympa parce que t'avais des quêtes, trucs qui n'existaient pas du tout dans les Sims jusque là. Absolument. Tu partais en vacances, tu choisissais ta quête sur un tableau. Et ensuite il fallait que t'ailles vivre une petite aventure dans une pyramide, dans des catacombes. Tu pouvais explorer des pyramides. Ouais. Et tu devais trouver la clé de voûte, machin, il pouvait t'arriver des merdes, enfin, c'était hyper cool. Donc, et ça changeait un peu. Ça rajoutait des vraies mécaniques de gameplay supplémentaires, bien au-delà de Et je pense que dans les Sims 1 et 2, ça n'a pas existé dans les add-ons, c'était plus des add-ons qui rajoutaient vraiment du contenu. Ensuite, tu as, alors je les reprends dans l'ordre, hein. Animaux et compagnie, bon, ça on en a déjà parlé. On a la différence, c'était déjà le cas dans le précédent, mais on a une différence entre les extensions, enfin les disques additionnels et les packs de contenu. Oui. Elle se situe où la différence? Dans le prix déjà, je crois. Oui, et à noter aussi que pour les Sims 3, tu avais accès directement au magasin où tu peux acheter avec du vrai argent. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai oublié de le noter effectivement. Ouais. Et donc ça, c'est les important Sims à savoir. Store. Donc c'est-à-dire que tu pouvais, voilà, le Sims Store, exactement, Sims store, ouais. Le store où tu pouvais, donc avec donc une vraie carte bleue, c'était pas des Sims Flouz, et tu pouvais acheter donc, voilà, des nouvelles, des objets, ouais, des tenues, des quartiers, je crois. Voilà, donc, enfin, je veux dire, en plus des kits, en plus des CD kits, tu avais accès directement et donc un store régulièrement mis à jour. Avec des objets officiels. Et donc, voilà. Du coup, les disques additionnels, c'était des disques chers. C'est con, hein, mais c'est vrai, c'est pas mal ça que tu les reconnais. Chers qui rajoutent, alors, soit des mécaniques de gameplay, soit... des vraiment des gros trucs, donc ça peut rajouter genre mettons 5-6 métiers d'un coup, ça peut rajouter des catégories de Sims, par exemple les sirènes dans les Sims Île de rêve, les vampires, les dans Sims Superstar, ça te rajoutait le plein d'objets et tout qui étaient liés au fait d'être une star. Quand tu parles des catégories de Sims, ce sont des catégories qui sont jouables aussi ou c'est uniquement des personnages que tu vas rencontrer? Ouais, qui sont jouables. Tu peux créer, tu as tous les add-ons, tu peux créer un Sims qui est, comme disait Gabi, un vampire. Non, il faut le devenir. Ah, dans les 4, tu peux le créer de suite. Ah oui, non, dans le 3, moi je suis surtout habituée au 3, il faut m'excuser. Dans le 3, en fait, il faut... Te faire mordre par un vampire. Te faire mordre par un vampire. Et dans le 3, du coup, tu peux lui demander de te faire mordre dans d'ailleurs. Dans le 3, t'avais les loups-garous aussi. Ah oui, j'ai pas eu et cette add-on. Et les licornes. Ouais, j'ai pas eu cette add-on. Il y a un truc avec des licornes. Absolument. Il y a une licorne qui pouvait venir chez toi, je ne l'ai jamais vue. Si vous l'avez vue, c'est pareil, je veux bien voir des screens, ça m'intéresse. Dites-moi comment vous avez fait. Ouais. Il y avait loup-garou, ouais, exact. Mais voilà, et donc les kits d'objets, ou les kits, je sais pas comment ils appellent ça, kits d'objets, c'est vraiment des kits où tu as uniquement des vêtements, ou uniquement des objets et des vêtements, mais ça ne te rajoute absolument pas de trucs de dingue. Tu peux avoir des coiffures, mais c'est vraiment des trucs pour créer ton Sims ou pour créer ta maison, quoi. Voilà. Et donc parlons un peu modèle économique entre le prix du jeu de base, le prix d'un disque additionnel et le prix des packs de contenu. Ça se situe comment tout ça ? Alors récemment, quand j'ai acheté le dernier disque additionnel des Sims 4, j'ai compté juste pour les Sims 4 pour combien j'en avais eu. Et j'ai pleuré ma maman. Franchement, heureusement que tu lâches pas ça d'un coup parce que ça pique. Mais tu le lâcherais pas de toute façon. Ah non, clairement, si on me disait demain tu veux les Sims avec tout ça, tu payes ça, je le ferais pas. Je peux pas vous dire combien, j'aurais peur de vous dire une bêtise, mais t'étais là quand j'ai fait le calcul. Ouais, ouais. Mais je me souviens plus, mais dans, je sais pas, 300, 400 euros. Enfin, c'est énorme. Ah ouais. Avec tous les add-ons, juste les Sims 4, je pense que c'était 300 euros. La fréquence de sortie du contenu Ils alimentent ça tous les combien ? À l'époque des Sims 3 ou maintenant à l'époque des Sims 4 ? Tu veux dire dans le store ou dans les CD vraiment dans qui sortent ? Dans les CD ? Oui, je parle plus au niveau des disques additionnels, des packs de contenu. Bah, j'ai l'impression que ça sort plus régulièrement maintenant dans les Sims 4. Mais je sais pas si c'est parce qu'à l'époque je suivais moins ou parce que j'avais moins de sous ou quoi. Je crois que le passage maintenant à une génération tout dématérialisée a vraiment facilité le truc. Parce que les disques additionnels avant, ils portaient bien leur nom, c'était des choses qui étaient vendues plus au format physique aussi. Ah oui. Alors que maintenant, vous achetez tout quand en ligne. Quand ouvre les Sims, les extensions. De toute façon, et la plupart des extensions, je crois, ne sont même pas sorties en. Oui. Les kits d'objets, je crois, ne sortent pas en CD. Les disques additionnels, oui, il me semble, hein, mais les kits d'objets, je crois pas. Mais je de crois toute façon, la distribution de jeux physiques sur ordinateur, en tout cas, c'est clairement derrière nous, hein, maintenant. Mais maintenant, quand tu ouvres les Sims 4, t'as un truc qui te dit lesquels. Enfin, ça existait déjà avec les Sims 3 d'ailleurs, mais qui te dit lesquels tu as, lesquels tu n'as pas. Mmh. T'as les petits logos, et si tu l'as, il est brillant, enfin, il est en couleur, et si tu l'as pas, il est terne. Mais de toute façon, même moi, je sais que quand je vais dans Origins, je suis pas ouverte depuis très longtemps. Tu fais 12 mises à jour déjà. Déjà. et puis tu vas sur tes jeux, t'as les Sims et forcément à un moment donné, les dernières fois où je l'ai rouvert, à un moment donné tu vois ce que t'as. Ouais. Mais il va te dire il y a ça, venez les acheter. Alors qu'à l'époque des Sims 2, 3, enfin t'avais pas. Les 3, t'avais le machin en surbrillance, quoi, mais c'est tout. Et combien ça coûte tout ça individuellement ? Déjà, combien ça coûte le Sims, juste le jeu ? Moi, de base, j'ai acheté par rapport à d'autres jeux. Collector la plus chère. Donc pour les 4 ? Ouais, très cher. Combien on l'a Moi, payé ? J'ai pas acheté les 4, j'ai essayé juste les 48 heures gratuites là sur Origin, justement. Allez, je vais mais dire moi, il me semblait bien que les Sims 3, je les avais achetés à 60 euros par exemple. C'était ouais, pas c'est ça possible, hein. Ouais, donc, c'est bah, à l'époque, donc, le prix globalement, d'un on est jeu... sur le prix d'un jeu neuf. Après... Mais sachant qu'après, ouais, il y a les add-ons. Parce que j'allais dire, tu regardes le prix par rapport au jeu, à un moment donné, vu que les Sims n'a pas, ce qu'on disait tout à l'heure, n'a pas de fin en soi. Alors... C'est un jeu que tu peux suivre pendant longtemps. Le problème, je pense, c'est de rajouter derrière les add-ons. Et... Mais c'est ça, voilà. Et s'il faut rajouter un add-on à chaque fois, il en sort quand même plusieurs par année. Est-ce que je peux faire une breaking news, s'il vous plaît ? Oui, vas-y. Alors, j'ai tapé Sims 4 juste pour aller checker le prix et je viens de tomber sur un article qui est sorti il y a 2 heures, qui s'intitule... Il y a 2 heures, ça, je ne rêve pas. Oui, non, 2 jours, pardon, excusez-moi, il y avait un 2 dans l'histoire. Qui s'intitule « Un modeur gagne plus de 4 000 $ en ajoutant du sexe dans les Sims ». Voilà. Un quoi ? Un modeur, quelqu'un qui rajoute des mods dans les Sims, qui, dans un jeu vidéo, de façon D'accord. générale. Voilà, je suis un petit peu perturbée par les images que je viens de voir. D'accord. Voilà, excusez-moi. Donc, franchement, j'espère que c'est un poisson d'avril, mais j'ose pas lire le... Parmi les trucs un peu spécifiques aux Sims aussi, il y a cette censure un peu mignonne à base de mosaïque. Oui, pour la nudité. Ouais, quand ils prennent leur douche, ce genre de choses. Mais je crois que j'ai un vague souvenir que dans les Sims 1 sur PC, il y avait déjà un patch pour enlever la nudité, je crois. Oui, absolument. Oui, oui, j'ai fait ça. C'est un truc très courant chez le modeur PC de vouloir absolument mettre des organes génitaux visibles, on ne sait pas pourquoi. Va savoir. Ok, j'ai lu en diagonale hein, jusqu'en bas. Je m'attendais trop à voir LOL Poisson d'Avril et ça n'a pas l'air. Du coup, voilà, j'allais dire, non, ne joignez pas ta capture d'écran si vous voulez nous en parler, c'est vraiment pas la peine. Donc du coup, les Sims 4, combien ça coûte? Continuez à parler, hein, je vous en prie, oui, oui. Faites comme chez vous. Non, mais je suis juste curieux. Oui, alors, le prix des disques additionnels, alors, aujourd'hui, les Sims 4 coûtent 35 euros, le CD. Et un disque additionnel coûte... on va regarder chez un géant de la vente en ligne. Alors, un disque additionnel coûte 40 euros. Et un disque de contenu additionnel, enfin, de contenu uniquement... Kit. Un kit, voilà, merci, pardon. 20 euros, il y en a, je crois qu'il y en a à 10 euros. Je crois, il me semble qu'il y en a à 10 euros aussi. Donc voilà, bon, vous rajoutez ça bout à bout, sachant que pour les Sims 4, il y a combien, 5, 6 CD qui sont sortis déjà. Et d'ailleurs, plus. À noter que pour les Sims 4, j'ai 3 extensions, 5 ouais. packs de jeux, 11 packs de contenu. Mais je crois que dans les extensions, dans les packs de jeux, dans la liste que j'ai vue, en fait, il y en a un qui n'est pas encore sorti. C'est lequel qui... Le dernier qui est sorti, c'est les Sims au bowling. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, non, mais je suis sur le site d'Origins, justement. Ah, tout le monde est. Et Y a pas de S. Oui, Origins, effectivement. Et donc, tu regardes les 2-3 dernières news, forcément, ils te balancent un peu devant du FIFA, du machin. Et la troisième news, c'est obtenez le dernier pack, donc la soirée vampire, enfin la soirée bowling et les vampires. Et du coup, j'ai le prix sous les yeux. La soirée bowling fait 9,99€. Ouais, c'est les plus petits font 10€, voilà. C'est ça. Les Sims 4 Vampires. Cela dit, c'est moins cher qu'une soirée au bowling. Fait 19,99€, effectivement. T'en as pour plus, c'est de ça. 10 balles. Et les add-ons, vraiment, c'est 35-39€. Ouais, là, j'ai que les Sims 4 collection, vivre ensemble. Enfin, là, il y a une collection, donc il y a plusieurs choses, mais voilà, Vie Citadine fait 39,99€. Bah voilà, tu rajoutes tout ça, mis bout à bout. Après, tu as tes collections par 3, visiblement. Mais c'est vrai qu'ils ont sorti beaucoup de... Soirée de luxe au travail, Destination ouais. Nature, par exemple, ils qui ont fait sorti 50 beaucoup euros. De petits disques de contenu additionnel, de kits d'objets dans les Sims 4. Mais après, tu as les kits d'objets à 9,99€. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a pas mal qui sont sortis dans les Sims 4. Ouais, ça passe mieux, 10€. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que quand je compte là, je me suis pas rendu compte que j'avais dépensé autant, parce que tu te dis, 10€, ça va, c'est pas exact. C'est pas hors de prix. Et puis même 20€, je te dis, bon, 20€, c'est les Sims, allez, je les mets. Mais quand tu mets bout à bout. Par contre, vous allez peut-être m'expliquer un truc, parce que du coup, sur la liste, il y a. Alors, il y a un truc qui s'appelle les Sims 3 Store, 2046 points. Ah oui, tu achètes tes points. Qui coûte 14€. Oui. Par contre, derrière, il y a les Sims 3 Store, il y a 24 360 points, ça coûte 112€. Il y a vraiment des gens qui dépensent ces sommes-là. Qui dépensaient sûrement, oui. Moi, j'avoue, j'ai jamais acheté dans. Moi non plus. Mais en même temps, on était mineurs. Hein. Les Sims 4 sont sortis, on avait 19 ans. Ouais. Donc, les Sims 3, on était mineurs en fait quand on y jouait. Voilà. Donc, on n'avait même pas de carte bleue, je pense, à l'époque, de toute façon. Et là, donc, les Sims 4. Non, attends, c'est les Sims 3 qui sont sortis en 2009. Les Sims 3 qui sont. Ah oui, pardon. Donc, on était majeurs. En fait, on était majeurs, donc je ne sais pas pourquoi on est passé à côté, mais c'est pas plus mal. Les Sims 4. Nos banquiers nous remercient. Peut-être parce que c'était cher. Ouais, c'est totalement. Les Sims 4 de base fait 59,99€ et il y a une édition digitale de luxe qui fait 69,99€. Voilà. Et t'entends, ils font des trucs gratuits. Pack de fête de fin d'année gratuit. Ouais, pack de fête de fin d'année, c'est 4 guirlandes et 2 pulls de Noël. Mais c'est mignon. Hein, voilà. Mais c'est très important de faire un peu de DLC gratuit dans le milieu. Oui. Ah, par contre, dans les Sims 4, maintenant, t'as des. Comment des, comment ça s'appelle? Des machins saisonniers, des. Oui. Des quoi? Des événements? Merci. Ah, c'est le mot que je cherchais. Oui, des événements saisonniers. Pour Pâques, par exemple, il faut que tes Sims ils aillent fouiller pour trouver des œufs. Et il faut que tu trouves les 10 différents et ça te débloque un truc. En ce moment, il y en a un, je crois que c'est truc végétarien. Genre un événement de défi cuisine végétarienne. Parce que oui, je suis végétarienne, évidemment, il y a une copine qui m'a envoyé un screen. Il y a voilà, des trucs comme ça régulièrement. Je ne sais pas tous les combien, mais régulièrement, pour un événement en particulier, tu as... un événement, on peut parler du retour du monde fermé. Ah oui, oui. Attendez, on est sur les Sims 4 déjà là. Ouais, ça y est, on passe aux Sims 4. Alors on va y revenir un tout petit peu plus tard parce que entre temps, il y a deux curiosités. Les Sims médiévales. Voilà, en mars 2011, les Sims médiévales, un spin-off sorti de nulle part, un jeu standalone, un jeu indépendant, a priori avec le moteur des Sims 3. J'ai beaucoup joué. Qu'est-ce si que c'est ce truc? Ah oui, tu y as joué? Ouais. Pas alors moi. En fait, j'y ai joué parce que j'étais frustrée, j'étais. en Erasmus et j'avais mon ordinateur portable mais j'avais pas ma tour, voilà. Et donc j'ai joué à ça parce que ça tournait bien sur mon PC portable. Tu pouvais pas jouer à grand chose et que ça ouais, tournait. Voilà, c'est trop ça. Et en fait, donc t'es un ou une d'ailleurs roi, un, reine, châtelain, ouais, châtelaine au Moyen Âge, plus ou moins, un truc médiéval. Tu dois faire tourner ta cour en fait, si ma mémoire est bonne. Et ouais, en fait, c'est un peu comme des Sims, sauf que t'es habillé en habit d'époque et tu dois prendre des décisions en rapport avec ton royaume. Et j'ai un hyper bon souvenir de ce truc-là. Là, tu recommandes ? Alors, ça fait quoi, 4 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas, je n'arrive pas à compter, 3 ans, ça fait pas si longtemps. Oui, 3 ans. 3 ans parce qu'on a un bon repère parce qu'il y a Jules, qui dort à côté. Ouais, 3 ans, effectivement. C'était hyper rigolo. Moi, j'ai beaucoup aimé le principe. Après, c'est hyper redondant aussi. C'est-à-dire que, franchement, tu joues, je sais pas, 2 fois, 3 fois, t'as à peu près fait le tour parce que les mêmes quêtes reviennent tout le temps. Mais c'est rigolo, ça change un peu. Et moi, j'avais vraiment bien aimé l'idée de retrouver le concept des Sims et des personnages qui étaient proches des personnages que je connaissais dans un tout autre cadre, en fait. Voilà. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ce jeu-là partage et ne partage pas avec tous les autres titres. Alors si j'avais su qu'on en parlait ce soir, franchement, je l'aurais rouvert pour vous, pour regarder un peu parce que ça non mais globalement, est-ce que globalement, tu parlais tout à l'heure de choses qui s'apparentaient plus à des objectifs. Ah mais priori, totalement, on est totalement dans les objectifs, dans les quêtes, un peu comme dans les Sims Destination Aventure dont on parlait tout à l'heure. C'est pas du tout, tu fais vivre ton. Je pense que si je ne dis pas de bêtises, tu peux perdre entre guillemets dans le sens où tu peux totalement fail ton royaume et enfin voilà, en fait finalement ça n'a de Sims que pour moi la trombine de ton personnage et, a priori le moteur, le voilà, moteur graphique et physique mais c'est tout, c'est pas t'as tes Sims dans un château et tu les fais vivre, hein, c'est quand tu même tu les contrôles de la même façon. Alors, aussi, ou c'est plus un jeu de gestion, est-ce qu'il y a des mécaniques qui pour le coup seraient pas du tout dans les Sims, des mécaniques de gestion ou autre chose comme ça? Franchement je me souviens pas, hein. J'aurais su qu'on en parlait, j'aurais ouvert le truc mais on me dit jamais rien à moi. Sincèrement, je sais plus, je ne me souviens pas. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était quoi l'autre improbable des Sims? Alors, l'autre improbable, c'est sorti la même année, mais un petit peu plus tard, en décembre, c'est les Sims Free Play, qui, comme son nom l'indique presque, un jeu sur mobile. Il me semble que ça a pas trop. Qu'ils ont fait beaucoup de pubs, mais que ça n'a pas trop. J'ai pas trouvé des masses de chiffres parce que. Non, mais parce que les chiffres de. Enfin, en plus, là, on n'est même pas sûr de la vente, puisque c'était un jeu gratuit, comme son nom l'indique. Donc, probablement avec le modèle classique de free-to-play, je l'ai avec testé du micro-paiement derrière. Pas... Pareil. Ouais, c'était pas. A priori, ça n'a pas fait date. Hein. D'autant que là, on est en plus sur un marché. En 2011, on est sur un marché entre émergent et qui commence à être un petit peu stable et qui du coup est déjà extrêmement concurrentiel. Donc aller sortir un free to play, c'est courageux. C'était pas foufou, il me semble, hein, Gabi. Je sais pas. J'ai plus beaucoup de souvenirs, mais oui, mais non. C'est ça. En fait, si ça te marque pas en général, pour c'est les personnes habituées dingue, déjà au PC. Ouais, c'était un truc souvent, proche des Sims, enfin qui essayait de recréer l'expérience quand même sur mobile ou... Il me semble que oui, plus ou moins, mais franchement. Pardon. Oui, quand même, parce que moi je me souviens d'avoir. D'avoir dragué. Mais. pardon, notre objectif à tous dans les Sims, voilà. Très chaud. C'est ça. Pas moi. En même temps, j'ai surtout joué aux Sims 1, donc. Et tu pouvais flirter dans les Sims 5. Ouais, bien sûr. C'est dans les Sims 5 que j'ai appris ce que ça voulait dire. Hein. Il me semble que c'était vachement. Moi aussi. Et vachement le charisme. Moins développé. Ah oui, le charisme. Oui, il me semble c'était vachement moins développé que le côté roman. Ah oui, c'était moins développé. On peut faire un point crac-crac, parce que dans les Sims, ça s'appelle faire crac-crac. Et aujourd'hui, dans les Sims, tu peux faire crac-crac dans plein d'endroits différents, à savoir dans la piscine, dans le jacuzzi, dans le sauna, dans le placard à vêtements. Les cabines d'essayage, il n'y avait pas quelque chose. Il y a eu à l'époque les cabines d'essayage, mais je crois qu'il n'y a plus de cabines d'essayage. Non, je pense plus. On peut le faire dans un buisson maintenant. On a pu le faire à une époque dans les voitures. Quoi d'autre ? Il y a eu des trucs. Dans la fusée, on peut faire crac-crac, je crois. Dans les Sims 3, dans les cabines des photomatons des événements, il me semble. Enfin, voilà, il y a des trucs. Non, c'est peut-être pas les photomatons. Enfin, dans un événement, il me semble qu'il y a un truc où tu peux faire crac-crac dans le chapiteau, je ne sais pas quoi. Voilà, les endroits pour faire crac-crac, je trouve qu'ils ont beaucoup d'imagination. Enfin, c'est rigolo, quoi. Je trouve ça hyper, hyper fun. Bon, dans un lit, évidemment. Mais je trouve ça très rigolo. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ah oui, parce qu'on parlait de flirter. Pardon, je suis désolé, je regarde la tablette donc, qui nous sert à diffuser les musiques en même temps. Et il y a plein de jeux de mots avec Sim dans les titres, en fait. Là, par exemple, celle-ci s'appelle « Some Assembly Required ». Voilà, j'aime beaucoup. Il y a un jeu de mots dans quasiment tous les titres avec les Sims. Simple Mais... Reactions, Let Assimilate. Ils sont très très drôles dans les Sims. Je sais pas si vous avez déjà fait attention. Quand t'achètes un meuble dans les Sims, si tu lis la description en général, elle est hyper marrante. Hein. Absolument. Les descriptions. Alors moi j'ai le souvenir du fauteuil Monsieur Popotin. C'était un fauteuil en forme de nounours pour les enfants. Et la description, c'était: dans la forêt vit un gros ours qui n'aime que les fauteuils en mousse. Il s'appelle Monsieur Popotin et il veut être ton copain. Et ce truc, je ne sais pas pourquoi, m'a marqué. Je pense que c'est parce qu'avec mes frères, on a beaucoup ri à cause de ces phrases-là. Mais voilà, dans les Sims, ils sont hyper drôles. Il y a énormément de jeux de mots aussi dans le nom des objets. Dans les descriptions, c'est toujours une anecdote ou quoi. Enfin, voilà, je pense qu'ils se font pas mal plaisir là-dessus. Et c'est hyper agréable quand tu prends le temps de regarder. Allez, on va y passer enfin, aux Sims 4. Allez, qu'est-ce que tu dis ? 2014, 5 ans plus tard, donc c'est aussi long qu'entre les Sims 2 et les Sims 3. Là, entre-temps, on s'est calmé sur les portages console. On sent que la hype est un petit peu passée. Donc ça sort sur Windows et Mac exclusivement. 3 extensions, 5 packs de jeux, 11 packs de contenu au moment où on parle. 4 DLC gratuits aussi, et quand même 3,5 millions de ventes, ce qui est tout à fait honorable. Pour un jeu de cette ambition et avec ce budget-là. Par contre, clairement, c'est redescendu. Alors, est-ce que l'effet de mode est passé ? Est-ce que le jeu n'a pas su se renouveler ? Entre-temps, je crois que tout le côté The Sims Studio a été un petit peu dégagé, que c'est de nouveau Maxis qui est aux commandes, plus Will Wright qui, je crois, est plus trop dans le développement depuis le temps. Mais en tout cas, c'est à nouveau Maxis, le studio Maxis qui reprend le truc. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Est-ce qu'on repart comme d'habitude sur on reprend les mêmes et on va tout vous revendre ? Ouais, bah c'est... moi, ouais. Enfin, moi, par exemple, je n'ai jamais acheté les Sims 4. Et notamment parce que, justement, j'étais un peu trop dégoûtée de partir vraiment trop du début. La preuve, on n'avait même plus accès au monde ouvert. Ah, on n'a plus le monde ouvert. Et quand les Sims 4 sont sortis, il n'y avait ni piscine, ni bambin. Il n'y a pas de piscine, c'est mort. Non, on n'a déjà pas de piscine. Vous comprenez bien que pour moi, ce n'est pas possible. Non, pas de piscine, déjà, c'était un peu ouf parce que ça existait depuis Sims 1. Et les bambins existaient depuis Sims 2, et là ils te disent « Ah ben les bambins, bah non ». Et franchement, ça a été un tollé sur internet, soyons honnêtes. Alors, ils nous avaient fait tout un speech sur « Ouais, mais vous allez voir, les Sims 4, on a vachement travaillé la personnalité, les émotions et tout, ce qui est vrai ». Oui, c'est vrai. Mais de là, te dire que ça compense le fait qu'il n'y ait pas de bambins, machin, pas vrai. Il faut faire attention parce que ça, c'est le même argument marketing que quand ils te sortent un FIFA ou un PES tous les ans et que tu te dis « Ouais, on a vachement travaillé sur le comportement des joueurs. » C'est toujours un Marseillais qui sort FIFA, apparemment. Oui. Non, c'est dès que je parle de foot, ça part en accent marseillais. Mais Marseillais, pour alors, les Je me rends compte que j'ai été vérifiée sur mon compte Origin quand même. C'est pour ça qu'on l'entendait pas tout à l'heure. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai tellement peu joué que j'ai joué 11 heures au Sims 3 et 1 heure au Sims 4. Ah, donc c'est bien ça. Il y a eu le bundle Sims 3 avec des extensions et je t'avais offert les Sims 4 quand il est sorti. Plein pot. J'avais un souvenir assez douloureux de t'avoir acheté les Sims plein pot que tu y avais à peine joué. J'ai joué 1 heure. Je n'ai pas joué depuis septembre 2014 au Sims 4. Depuis la sortie. Hein. Donc alors il est sorti. Donc j'ai joué 1 heure à la sortie. Et c'est sorti en septembre 2014, tout à fait. Voilà. Donc j'ai joué 1 heure à la sortie quand il me l'a gentiment offert. Et depuis, je n'ai plus joué. Donc j'ai les Sims 4, donc peut-être qu'à un moment donné, je m'y remettrai un petit peu. Mais bon, avec toutes les extensions qui sont sorties, tout ça, enfin, si je m'y remets... Est-ce qu'il y a un intérêt... Soit il est en train de faire un geste à base de « t'inquiète, je te filerai mon compte ». Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire ça discrètement. Est-ce qu'il y a un intérêt... Bon, aujourd'hui, elle joue au Sims 4 sans les extensions, justement. Ou est-ce qu'il est vraiment trop vide ? Je tiens à signaler que les piscines et les bambins sont arrivés. Chacune leur tour. Parce que les piscines... Ah non, gratuitement. Les piscines sont arrivées relativement peu de temps après la sortie du jeu. Les bambins sont arrivés il y a peut-être 2 mois, 3 mois. Un jour où j'étais en train de scroller sur Instagram avant de dormir. C'était le dernier scroll avant d'aller dormir. Et là, d'un coup, je vois les bambins sont enfin là sur le compte des Sims. Et franchement, j'ai eu du mal à dormir, mais vous pouvez pas savoir. Non, mais moi, je l'ai secoué, je dis, il y a les bambins dans les Sims. Il m'a répondu genre... Ah oui, c'est vrai. Qui voulait dire un truc du genre rien à secouer. Je m'en souviens. Franchement, on était en train de s'endormir, limite. Enfin, j'étais vraiment en train de comater, de me dire, bon, allez... Est-ce que c'est Electronic Arts qui a écouté la demande populaire? Je sais ou... pas du tout. Je pense. Si c'est, si c'est gratuit, j'imagine que oui. Je pense. Mais de toute façon, s'ils avaient fait payer pour ça, ah, ça aurait été... Franchement, je pense que ça aurait été vraiment difficile. Je me dis, à un moment donné, vu ma façon de jouer, si les bambins et les piscines sont gratuites, je vais pouvoir jouer au Sims 4, c'est bon, enfin... Mais donc juste voilà. Pour passer le temps. Moi je pense que ça peut suffire. Après, avec la piscine et les Sims et les bambins, pardon, c'est assez cool. Après, c'est sûr que, en fait, c'est quand, pour moi, quand t'as eu l'habitude de jouer aux Sims précédents, donc là aux Sims 3 avec les add-ons, et que t'arrives dans les Sims 4 et qu'il n'y a rien, c'est naze. Oui. Enfin, moi, si t'as pas joué aux Sims 3, franchement, tu peux y aller. Dans la mesure où j'ai joué 11 heures aux Sims 3, il y a grosso modo 4 ans. Oui, parce que je regardais les Sims 3, ma dernière connexion date de courant 2013. Je me dis à un moment donné, je vais attaquer les Sims 4 comme si je rattaquais en gros à zéro. Donc c'est non, pas... mais du coup, ouais, il me semble que c'est. Et pas... puis après, moi par exemple, je me suis habituée à partir des Sims 2 déjà. J'ai arrêté d'acheter tous les add-ons. Mm. Donc finalement, moi je peux me satisfaire d'une base. Que moi, les Sims 2, j'avais quelques add-ons, les Sims 3, je les avais tous. Ah ouais. Et les Sims 4, je les ai tous aussi. On a parlé beaucoup de ce qui manquait dans les Sims 4, mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? De mieux, de la bien, personnalité de... Ouais, la personnalité est hyper travaillée. Les humeurs. Les humeurs, c'est top. Tu peux être d'humeur joyeuse, d'humeur triste, d'humeur machin. Il y a des événements extérieurs et des d'humeur enjôleuse. Voilà. Ça correspond toujours à une couleur. Si tu as le prisme que de l'édition collector à la sortie des Sims, qui est branché à ton... Cette magnifique édition à collector. Ton PC. Ah bah, moi ça doit être un truc dans le genre, parce que de toute façon, enfin, la version que j'ai des Sims 4, c'est la version édition limitée. Bah alors, t'as donc, le prisme t'as peut-être. Ah, remarque, le prisme, c'était la version la plus chère. Non, l'édition limitée, c'est l'édition numérique, c'est la collector numérique. Ah, ouais. Pour le coup, le prisme était dans la collector physique, évidemment. Dans la collector numérique, t'avais des objets en plus, t'avais genre 2-3... Enfin, dans les éditions limitées, t'avais 2-3 objets en plus. Donc le prisme, ça reprend autre élément hyper caractéristique des Sims aussi. Oui, le prisme vert. Le prisme vert qui est au-dessus des personnages, et donc dans la collector, il est... dans une version physique qui doit faire, je sais pas, 10 cm de haut. Des morceaux de Sims. Non, mais des morceaux de phrases de Sims au milieu du podcast. Tout à fait. Peut-être j'inclurais ça. Au milieu, je sais pas trop, mais. Je sais pas. Je me débrouillerai. Dans les moments de blanc, je vais essayer de faire un truc. Dans les moments de blanc, il y a quand il rigole, quand il drague, c'est excellent. Ah ouais, tu devrais mettre ça. Et donc, le prisme. Qui fait, je sais pas, un petit 10 cm, etc. Là, sur sa base blanche, les Sims 4, qu'on branche en USB et. Et bim, ça s'allume. Alors, c'est vert. Et quand le Sims que tu contrôles change d'humeur, chaque humeur correspond à une couleur et ton prisme change de couleur avec. Et je suis très très fan de gadgets comme ça et je trouve ça génial. Pour le coup, c'est une très très bonne idée. Ah, pour le coup, ouais, c'est génial. Mais donc, ça. Par contre, si on peut juste revenir à ce qu'il y a en moins dans les Sims 4. Dans les Sims 3, tu pouvais tout personnaliser. Tous les objets étaient personnalisables et en fait, dans tous les objets, tu pouvais aller dans un menu où tu avais des textures, où tu avais des couleurs, où tu avais des motifs. Tu pouvais absolument tout personnaliser, que ce soit les meubles, que ce soit les vêtements et tout. Genre, tu as ton couvre-lit, machin, ta couette. Hein. Et ben, c'est plus le cas. Et ça, c'est hyper frustrant. Alors, c'est dommage. Ouais, tu as toujours plusieurs options de couleurs pour chaque meuble ou presque. Mais moi des fois je suis deg parce que je suis genre ah mais ça de cette couleur comme ça ce serait top et quand t'adores construire je trouve ça hyper frustrant vraiment. Bon mais j'essaye de vous faire parler quand même des choses qu'il y a en plus mais visiblement il y en a pas. Visiblement c'est beaucoup d'humour. Non après c'est très beau. Alors ouais j'ai changé de carte graphique il y a pas longtemps, mon amoureux m'a offert une nouvelle carte graphique et j'ai découvert les Sims en haute définition. Oui parce que même les Sims avec les curseurs poussés au max, il y a quand même une petite différence d'expérience. Franchement, c'est beau. Les lumières, elles sont dingues. Les ombres, elles sont incroyables. T'as l'impression d'y être quand tu zoomes vraiment. Les détails sont vraiment fous. Après, moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est dans un des add-ons des Sims 4, c'est la vie en appartement qui avait existé dans les Sims 2, je crois, et que je pense que je n'avais pas eu, qui est hyper sympa dans les Sims 4, qui est assez bien développé, je trouve. Après, est-ce que c'est... Bon, pour moi, pour l'instant, soyons honnêtes, les Sims 4, à l'heure actuelle, ça vaut pas les Sims 3 avec tous les add-ons. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus poussé au niveau de la personnalité des Sims, mais ça me chiffonne parce que voilà, pour l'instant, il manque plein de trucs. Ouais, mais j'ai plus les dates. Ce soir, la mémoire a décidé de pas fonctionner. En même temps, la mémoire à court terme, voilà. Mmh. Est-ce que la durée de vie des Sims 3 était de combien déjà? Entre les Sims 3 et les Sims 4, ouais. 5 ans, comme entre les Sims 2 et les Sims 3. Voilà. Et donc là, donc les Sims 4 sont sortis en 2014. Ça fera 3 ans en septembre. Ça va faire 3 ans en septembre. Ah oui, il y a non, encore mais... un petit peu de marge pour avoir tous les add-ons et peut-être rejoindre le niveau. Parce que comme tu dis, les Sims 3 avec tous les add-ons, donc les Sims 3 sur la fin finalement. Ah oui, tout à fait. Donc on a encore un peu de marge avec les Sims 4 qui vont peut-être pas attendre les 5 ans pour arriver au même niveau, quoi. Moi, j'attends les animaux, les saisons. Principalement ça, en fait, les animaux et les saisons, parce que c'est vraiment des add-ons que j'aime. Cela dit, on est quand même sur un modèle économique qui a tendance, justement, à diluer la distribution des extensions pour essayer de faire tenir le jeu le plus longtemps possible. Et en plus, contrairement à, par exemple, un modèle de Season Pass, donc je rappelle, le Season Pass, c'est on achète d'avance une série d'extensions qui, en général, un nombre d'extensions qui, en général, est déjà connu. Et ça permet... Alors, souvent, ça coûte... on va dire 40 euros pour des jeux qui sont vendus 60-70, et ça permet à des acheteurs qui veulent faire confiance tout de suite à un éditeur ou qui veulent s'investir tout de suite dans un jeu d'acheter un ensemble de contenu qui, quand il sera vendu plus tard, sera vendu plus cher si on l'achète à l'unité. Et pour un éditeur, bah, ça permet de rentrer du cash tout de suite pour financer le développement de ces contenus additionnels. Et quand on achète un Season Pass, en général, on sait combien de contenus additionnels on va en avoir. Parfois, on connaît un petit peu la nature des contenus additionnels, plus ou moins, en fonction de ce que l'éditeur ou le développeur veut bien lâcher. Et surtout, en général, on sait que ça va sortir dans l'année ou dans les 16-18 mois qui arrivent. Voilà. Pour le coup, pour les Sims, la communication est vraiment très très faible. On apprend les sorties des extensions quelques semaines à peine à l'avance, il me semble. Il y a souvent des rumeurs, soit à base de tweets... qui viennent de chez eux, soit à base de trucs enfin qui n'ont rien rapport avec, aucun rapport avec la choucroute. Cela dit, pour les bambins, il y avait des indices, a priori. Plein de gens avaient remarqué que dans une des dernières extensions sorties juste avant l'arrivée de la mise à jour avec les bambins, il y avait des petits trucs, genre il y avait un biberon posé je sais plus sur quel objet, il y avait des petits machins qui laissaient penser que, et effectivement ça n'a pas raté. Je pense très sincèrement qu'ils sont très joueurs en fait, qu'ils aiment beaucoup teaser et que ça marche parce que les fans des Sims sont des gens totalement accros, les joueurs, c'est fou quoi. Et puis à un moment donné je pense qu'ils savent aussi les extensions qui sont attendues. Ça, de toute façon, les bambins, c'était hyper attendu. Ouais, et puis, par exemple, tu parlais des animaux. Je pense qu'à un moment donné, ils savent très bien que les animaux, c'est attendu par les animaux, ça existait personnes. Depuis les premiers Sims, donc je pense que ça... Donc, j'espère. C'est attendu. Si vous nous écoutez, les gars. Du coup, est-ce qu'ils joueraient pas là-dessus de diluer un petit peu, justement, ces extensions, ces contenus additionnels tant attendus? Est-ce qu'ils les dilueraient pas, justement, pour garder un peu ou à un moment donné, à ramener... des gens qui s'en sont lassés parce que c'était pas là, est-ce que justement cette attente-là et ce délai-là serait pas volontaire? Je suis pas sûr que tu récupères beaucoup de gens en vendant du contenu additionnel, parce que c'est pas évident d'aller récupérer un joueur c'est sûr. Plusieurs mois voire plusieurs années après la sortie d'un titre, mais en plus plus ça va, plus tu crées un sentiment de comment dire, un sentiment de gap, de différence entre les joueurs qui ont pris le jeu au début et qui vont avoir pris un ou plusieurs packs additionnels au fur et à mesure, et celui qui arriverait et qui pour qui la facture va être assez importante s'il a envie de rattraper le train en marche. Oh oui, c'est sûr. Et de prendre tout ou partie des disques additionnels. Je suis pas sûr que. Après, c'est peut-être une façon de. comme ce que disait Mag, peut-être pas de rattraper un joueur qui a arrêté, mais... Mais de garder les gens, non, mais de garder les gens en haleine, un peu ça, tu sais, ça, de... ça, c'est certain. Encore une fois, le modèle économique a besoin d'argent pour continuer à développer le titre, et il n'a au final que la durée de vie que les... Comment dire, que les développeurs vont lui conférer en continuant à ajouter du contenu, fût-il payant, parce que peut-être que l'intérêt du jeu et l'intérêt des contenus additionnels est suffisamment limité pour ne pas pouvoir se prolonger, pour avoir une capacité limitée d'attention en quelque sorte. Moi, je sais qu'en joueur de Sims proche, bon, j'ai Soy parce que c'est la seule que j'ai dans mon entourage. Qu'elle allait dire parce que c'est une psychopathe. Mais non, mais je sais comment elle réagit par rapport aux Sims. Et je veux dire, des fois, on va être là, discuter, elle va faire un tour de Twitter ou d'Insta ou quoi. Et d'un coup, mais elle va partir dans un trip toute seule. Parce qu'elle fait énormément de veille. Ah, nouvelle extension, tout ça. Je dis parce que tu fais énormément de veille. Oui, voilà. Bah oui, c'est entendu. Un truc dégueulasse. Et d'un coup, elle va se mettre à hurler parce qu'ils ont annoncé la nouvelle extension, le nouvel add-on et tout. Et voilà, c'est justement ça. Ça va être les garder en haleine et à un moment donné, peut-être les sortir avec suffisamment de délai, mais pas trop, pour arriver presque à l'essoufflement, tu vois, et se dire, bah attends, là on est à un délai où à un moment donné, si on sort pas un truc, ils vont se barrer. Mais sorti plus tôt, bah, de toute façon, ils sont là, mais sorti trop tard, ils seraient partis, et le sortir juste à ce moment-là. Donc ce délai-là, je pense, est peut-être calculé aussi sur l'essoufflement des joueurs. Et oula, qu'est-ce que tu as voilà, dit vous voyez, elle a essayé de s'essouffler. Non, il y a déjà... Pardon. Non, rien, juste, je viens de tomber sur un article qui dit que peut-être que... Que finalement, peut-être qu'il y a une rumeur, qu'il y a une rumeur de date de sortie pour The Sims 5, et ça parle de VR, et j'ai pas lu, j'ai juste lu en diagonale, parce que du coup j'étais en train de. Je venais juste. Il y a en même Google. Temps les rumeurs à base de VR non, en ce moment. Mais du ouais, coup, non, mais en vrai, ça me fait rire plus qu'autre chose, parce que c'est totalement. Bref, ça me paraît totalement improbable. J'ai encore beaucoup de mal avec la VR. Pas déjà l'intérêt. Hein. Cela dit, non, mais ça me fait rire. Juste, ça me fait. Voilà. Hors de toute considération comme ça, un peu technologique, enfin, qui changerait totalement la face du jeu. Si demain, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a une annonce officielle des Sims 5, est-ce que vous re-signez sans réfléchir ou est-ce que l'intérêt moi, c'est je fais une veille un encore plus poussée. C'est-à-dire que le moindre tweet qui tweet Sims 5, le moindre article qui parle des Sims 5, et je fais une revue de presse, les gars. Hein. Non, mais soyons honnêtes. Non, moi, et après, j'achète toujours. Moi, tu vois, j'ai joué une heure sur les Sims 4 qu'on m'a gentiment offert. Les Sims 5, je ne vais pas m'y jeter dessus. Moi, je serais intéressée de voir ce qu'ils proposent. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je n'ai plus le temps de jouer. Ah, moi non plus, hein. Très sincèrement, je n'ai absolument pas le temps de jouer. Tout ça. Mais je pense que psychologiquement, tu vois, je serais obligée de regarder ce qui va se passer. Voilà. Et mais je suis sûre que je me sentirais obligée de l'acheter. Le jeu de base, au moins, en me disant, il faut que j'essaye. S'il y a des nouveautés, parce qu'après, s'ils nous ressortent les Sims 4, voilà. Mais s'il y a vraiment des trucs qui m'intriguent, je vais l'acheter, c'est certain. Je jouerai pas, mais j'achèterai. En vrai, avec les Sims, elle fait de la collection pure, quoi. Elle a plus le temps de jouer, mais elle continue à acheter les extensions, les machins. C'est vrai. Mais vous savez quoi Moi, je peux tout à fait comprendre ça. Je continue à acheter les extensions collector de World of Warcraft alors que je ne joue plus à World of Warcraft. Je conçois parfaitement l'idée aussi. Enfin, la collection. La raison pour laquelle j'achète les add-ons au fur et à mesure qu'ils sortent, même si j'y joue qu'une heure parce que j'ai vraiment pas le temps de faire ça, c'est que je me dis, quand je vais vouloir y jouer, quand je vais être en vacances, si j'ai 15 add-ons à racheter. Je vais pleurer. Non, c'est vrai. Non, mais je conçois parfaitement. Genre, cet argent, je pourrais trop le mettre de côté en disant c'est pour les Sims. Mais moralement, je peux sortir 10 euros de temps en temps, 20 euros de temps en temps ou 30 euros de temps en temps. Mais je peux pas sortir 150 euros d'un coup pour les Sims. Hein. Soyons honnêtes. Bah oui, non. Donc bien voilà. Sûr. Et à chaque fois que j'achète des Sims, à chaque fois qu'il y en a donné, je l'achète. Parce que comme ça, ben, quand j'aurai le temps, je jouerai. Et j'ai pas le temps de jouer. Je sais que j'ai pas le temps de jouer, mais. Ce qui tu l'as au cas où pour le jour où. Mmh. Ce qui prouve que donc le modèle économique est quand même très intelligent et bien réfléchi en termes de. Ou que je suis une pigeonne. En termes de prix. Au final, je pense que t'es pas la seule à les acheter vu les chiffres. Mais clairement, ça veut dire qu'en termes de prix et de fréquence, ils ont su trouver vraiment l'équilibre qui. À peu près, qui est à peu près correct pour choper un maximum de gens. Oui, parce qu'à un moment donné, s'ils ne les vendaient pas, les mecs, ils se seraient arrêtés, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On me fait un signe. Elle est en train de se demander si le temps d'enregistrement n'arrive pas au bout et si à un moment donné on va pas finir par parler dans le vide. Non, pas du tout. On a encore un petit peu de marge. Ah. On a 3 heures. Il y a 3 heures. Ah, mais je croyais qu'on avait que 2 heures. Non, 3 heures. Bon, cela dit, on ne tiendra pas 3 heures, soyons honnêtes. Non, honnête, hein, non mais fin. C'est vrai qu'on est arrivé un petit peu au bout. Non, mais j'ai eu peur qu'on soit vraiment pile poil ric-rac. On est arrivé un petit peu au bout de cette timeline là. Je pense qu'en termes de conclusion, voilà, la question qui me vient clairement, c'est malgré le manque de parce que j'en parlais tout à l'heure du manque de couverture médiatique, et ça c'est un truc réel, moi qui suis... Oula, tout va bien, c'est pas grave, ça on coupera par contre. Moi qui suis vraiment beaucoup la presse spécialisée, ça fait partie des séries dont on n'entend absolument pas parler, et je parle... Pas seulement, alors évidemment que les mecs s'intéressent pas spécialement à tout le contenu additionnel qui sort, pourquoi pas, mais pour le coup, les Sims 4, j'ai vraiment pas souvenir qu'il ait été couvert, etc. Et le truc arrive quand même à faire 8 millions. À sa sortie, il a été relativement bien couvert, pas forcément bien, mais il a été relativement bien couvert, mais sans vouloir être désagréable, je pense que... Enfin, je pense, j'en suis sûre, hein, parce que je l'ai entendu un paquet de fois. Moi, quand je dis que je joue aux Sims, c'est mon plaisir inavouable, au final. Parce que souvent, quand je suis avec des copains, copines, gamers, gameuses, et que je dis que je joue aux Sims, soit c'est des gens qui sont hyper fans des Sims, soit c'est des gens qui me regardent et qui, limite, me prennent de haut et me disent « Non, mais Soy, les Sims, c'est pas un jeu. » Et voilà. Et les Sims, c'est pas un jeu. C'est un truc qui revient énormément. Ouais, mais même si c'est une simulation de vie, si non, on mais veut. Mais même bon, si après... ça avait une image de jeu casual, c'est le cas d'un FIFA aussi. Et pourtant, ils sont hyper bien couverts. Oh, grave. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Franchement, pour moi, la raison, c'était ça. C'était surtout le fait que les Sims, c'est pas un jeu. Mais qu'est-ce qui fait tenir le truc? Alors, c'est toute cette communauté qu'il y a derrière. Pour moi, c'est la communauté. On parlait du workshop tout à l'heure. C'est clairement le truc qui fait tenir un jeu, pour le coup, pour pas un rond, parce que c'est la communauté qui produit le contenu. Que les Sims avait été un genre nouveau et que les Sims avait été un genre à part entière et le seul jeu dans ce genre-là finalement. Et je pense que c'est ça, il n'y a jamais un jeu qui a fait aussi bien que les Sims. Je ne sais même pas s'il y a des jeux qui ont voulu faire les Sims, des wannabe Sims, c'est ce qu'il y en a eu, franchement je ne sais pas. Et s'il y en a eu, j'en ai jamais entendu parler. Il y en a eu un petit peu, il y a eu à la fois la série, parce qu'évidemment je n'ai pas cité tous les spin-offs et tout, mais il y avait par exemple les Urbs. Ah ouais, sous-titré Les Sims in the City, qui était une tentative de faire les mêmes mécaniques mais hyper simplifiées, qui a priori est un truc qui a pas marché. Il y a mais eu plein de tentatives comme ça. Ce qui est génial dans les Sims, quand tu joues aux Sims, pas quand tu crées forcément des maisons ou quoi, mais quand tu joues avec tes Sims, c'est le fait que ce soit hyper compliqué. Si c'était hyper simple et qu'il suffisait de faire flirter avec le mec pour faire crac-crac avec le mec, pour faire un bébé avec le mec, on n'aurait pas envie de jouer aux Sims. Hein. Ah, c'est une simulation de vie, et la vie elle est compliquée. Ah bah oui, c'est pas facile de faire crac-crac. Hein. Attends, il y a des gens, ils galèrent. Voilà, on pense à eux. Vous êtes comme des Sims. Pardon. Mais on finit par y arriver. Ah, c'est un témoignage d'espoir. C'est une belle dans les Sims en tout cas. Oh, et blam. Dans la vie aussi, normalement. Avec un peu de persévérance. Mais voilà, la persévérance. Allez, pour finir. Est-ce qu'il y a une petite anecdote, un truc marrant dont on n'aurait pas parlé, qui vous vient à propos des Sims, à propos de vos parties On a parlé de toutes les fois où on a tué les Sims, donc je pense Moi, je vais poser une question, juste pour terminer, une question qui peut-être va fâcher. À quand les Sims qui parlent ou pas? Qui parlent? Ouais. Ah non. Mais qui parlent vraiment. Voilà. Aucun intérêt. Ah ouais, non. Voilà. Non, mais je suis d'accord, mais je voulais votre avis à vous. Pour moi, ils n'ont pas besoin de parler. Peu jouer, donc. Parce que leur langage est hyper expressif. La prosodie fait que tu comprends s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents, si machin, si bidule. Prosodie, mot compte triple. Ça, et on joue au Scrabble en même temps, c'est pour ça. ça, et le fait qu'il y ait les bulles. Les bulles, ça te donne l'idée de ce à quoi ils pensent. Donc, si ça fait le cœur rouge, machin, c'est crac-crac. Enfin, t'as plein de trucs différents. Et les deux ensemble, tu comprends, c'est universel. Enfin, et le problème, c'est quand ça parle, ça peut vite être niais. Donc là, ça nous évite cette souffrance-là. J'avoue que j'ai fait ça avec une petite idée dans la tête parce que c'est pas la première fois que j'évoque le sujet et je sais que ça réagit toujours au quart de tour. quand je parle des Sims qui parlent. Non, et puis, alors, voilà. Pour des raisons, pour des raisons bassement mercantiles, faire des voix, c'est faire de la localisation, c'est faire du doublage. Et l'air de rien, tout ça coûte très cher. En vrai, je suis entièrement d'accord. Hein, c'est juste que je voulais la faire réagir parce que je savais qu'elle allait partir direct, en fait. Que ton Sims... Parce que l'émission s'appelle La Gueulante et il n'y a personne qui a gueulé. Mais c'est parce qu'il y a Jules qui dort à côté, je tiens à le rappeler. Donc tout à fait. On essaie de. Voilà. Le pauvre, il dort. Gueulera la prochaine fois, double. Ça. Non, mais. Puis en plus, attends, ton Sims, il va essayer de pécho la Sims du voisine, là. Il y va une fois, deux fois, trois fois, 12 fois s'il faut. Il y va et à chaque fois, il parle le Sims, tu ne comprends pas, et ça fait des cœurs, et il se fait bâcher, il n'est pas content, comme machin. Comme un snell. Si le mec, il arrive et que demain, il parle français, il va lui dire quoi, la voisine? Ah non, mais je suis. Tu vois, enfin. Non, mais c'est pour ça que je te dis, moi, plus, je suis entièrement d'accord. Imaginez les dialogues, enfin. Genre, salut, j'ai trop envie de te pécho quand tu fais flirter. C'est vrai que ça risque un peu de finir en sketch des inconnus. Ah mais et là, surtout après, ce serait pas très classe, quoi, comme le disait Gabi, il y a moyen que ça soit nié rapidement. Ah oui, oui, voilà. Bah, c'est pas sur les voix, sur les intonations, fais, sur le contenu des phrases. Tu cliques sur le Sims, tu fais genre amour là, et puis t'as flirté, ce sera genre salut, j'ai envie de te pécho. Et puis après, tu fais genre plutôt tenir par la main, il va lui prendre par la main, et puis il va lui dire un truc mignon. Puis après, il y a regarder les étoiles, et je sais pas, il va lui dire quoi. Il tu va veux dire que ce sera pas regarde. Très cohérent tout ça. Non, mais enfin, et puis il va y avoir les nuages, il va lui dire regarde, je vois une bite dessinée dans les nuages. Enfin, non, mais tu. On pourra censurer le gros mot, si tu comprends. Tu comprends, un autre mot, tu comprends, monsieur Poutounours, pourquoi j'ai posé la question? Parce que je sais qu'on peut la laisser partir comme ça, non, quand il est plombe. Ils sont donc tous partis se coucher, je crois qu'il va parler tout seul. Non, mais parce que pour le coup, je suis entièrement d'accord sur le fait que les Sims ne doivent pas parler autrement que leur langage. Je suis entièrement d'accord, pour le coup. Moi, juste pour vous expliquer pourquoi je ne joue plus aux Sims... voilà, notamment je ne veux pas renier mon fils. Et ça me fait penser une fois où j'avais eu un rancard et où finalement j'avais invité. Bon, c'était déjà mon copain. Attends, on parle des Sims ou de toi? Non, de moi là. Ok, pardon, j'avais pas compris. Non, j'avais pas compris. En vrai, j'avais. Oui, j'ai des rancards. Non, mais je. Bah, non, pas de... non, je mettais pas ça en doute, j'étais pas sûre. Bon, pardon, vas-y. Donc, bon, c'était déjà mon copain quand même. Hein. Et donc, je l'ai invité chez moi. Et là, j'ai eu envie de jouer aux Sims, je me suis mise à jouer aux Sims, je lui ai dit un tout petit peu. Et la fois suivante où j'ai regardé ma montre, ça faisait 4 heures. Et le gars m'avait... Il était parti. Même pas. Même pas, oh. On peut souligner quand même. Mais donc, waouh. Que, heureusement que c'était déjà ton copain, parce que sinon ça ne serait jamais devenu ton copain. Exactement. Mais grave. Donc pour vous montrer que c'est addictif. Ouais, c'est hyper cool. Non, mais c'est ça, c'est le genre de jeu où de toute façon tu ne vois pas le temps passer. Ouais, tu dis, je me mets 10 minutes dessus, et puis regarde l'heure, c'est 2 heures. C'est bête, mais enfin... le fait que le temps passe dans le jeu, c'est comme dans Minecraft. En fait, t'es focus sur l'heure dans ton jeu et t'oublies totalement que le temps passe dans pas la vraie vie. Non, mais c'est vrai. Non, alors qu'il y a d'autres fait. Jeux tout où tout le temps passe pas et ouais. Ça ne fait pas le même effet. Moi, sauf je sais que les jeux où le temps passe, ça me fait vraiment un drôle d'effet. Sauf que voilà, l'heure, à mon avis, l'heure. Dans la vie passe quand même et beaucoup plus vite que ce qu'on a l'impression. Oui, et après t'as faim. Et tu te dis oh ça fait un quart d'heure, 20 minutes que et je après, joue, faut c'est que bon. Faire ah à bah manger. Non, ça fait 2 heures. Parce que toi t'as pas un domestique dans ta maison qui peut faire à manger si tu cliques sur lui et que tu dis faire à manger. C'est triste. Et j'aime bien un truc, c'est que les Sims, ça n'a rien à voir, que les Sims végétariens, s'ils mangent de la viande après ils sont malades et je trouve ça rigolo. Voilà. Parce que moi si je mangeais de la viande franchement je crois que je me sentirais trop mal. Voilà, c'est rigolo, j'aime c'est bien. C'est compliqué, ça peut être un autre sujet, être végétarien dans les jeux vidéo. Ah mais totalement, moi je suis partante. Hein. Ouais, j'en chie à mort dans Rust, parce que les gars à chaque fois ils veulent tuer tous les animaux et moi je veux pas, et après c'est les animaux qui me tuent. Ouais, voilà. C'est de la survie, meuf. Enfin, on est un petit peu obligé. Elle a essayé de jouer à YouTuber's Life, elle a pris une YouTubeuse cuisine. YouTuber. Et c'est super ouais, compliqué. C'est bon, on fait ce qu'on peut dans notre vie, voilà. Alors, non, mais cela dit, tiens, rigolo, on parlait... Je connais pas du tout. Non, mais ça fait une super transition, parce qu'effectivement, on parlait de jeux qui ont essayé de reprendre des mécaniques des Sims. Ouais. Pour le coup, YouTuber's Life, c'est trop ça. T'as une c'est carrière imposée, en fait, au final, avec, YouTuber. Voilà, avec un vrai objectif de carrière, parce qu'il faut... engranger de l'argent et pour monter. En gros, tu commences dans la chambre de tes parents. Non, dans ta chambre chez tes parents. Ouais, oui. Ah oui, c'est vrai. Dans ta chambre chez tes parents. Qu'est-ce que je... Non, mais j'essaye de penser à ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Tu commences dans ta chambre chez tes dans parents, la effectivement. Chambre de tes parents, c'est un peu choquant. Dans une situation dans laquelle, situation dans laquelle manger te coûte rien parce que tu tapes dans le frigo familial, etc. Voilà. T'as pas de loyer et tout. Ouais, t'as pas de loyer, mais il faut quand même aller faire des études pour faire plaisir à maman, véridique. ça fait partie de tes objectifs, et après tu montes un petit peu en grade, tu commences par avoir un appartement en coloc, puis ton propre appartement, etc. Mais clairement, ça reprend une bonne partie de la mécanique des Sims, si ce n'est que il y a vraiment un objectif et un gameplay beaucoup plus défini. On est beaucoup moins sur du bac à sable. Mais pour le coup, si vous avez aimé les Sims, YouTuber's Life, ça peut être oui, vraiment marrant. Et donc, je finis juste ce qu'ils étaient en train de dire au début, c'est que dans YouTuber's Life, j'ai essayé de faire la carrière YouTuber culinaire sans faire de viande, et en fait, c'est juste pas possible. C'est chaud. J'ai essayé de faire que des plats végétariens, et en fait, t'arrives pas à level up suffisamment. Peut-être après, en fait. Ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas, quand tu peux commencer à avoir les compétences et tout. Mais donc voilà, moi, je suis, quand vous voulez un podcast, comment être végétarien dans les jeux vidéo, Minecraft et tout, j'étudie la question à chaque fois que je joue un nouveau jeu. Et tout le monde se moque de moi. Bon allez, juste histoire de conclure, hors considération de temps de jeu, etc. Pourquoi, donc on l'a dit, les Sims étaient sortis en 2001, 2002, le premier. Pourquoi non. Continuer à jouer aux Sims aujourd'hui, surtout quand on sait que visiblement bah, ça a beaucoup perdu de sa superbe, du moins pour le jeu de base, que c'est un loisir qui peut coûter cher parce qu'il faut racheter les disques additionnels. Pourquoi on continue à jouer aujourd'hui aux Sims? Et qui est super chronophage visiblement. Tout à fait. Ben, parce qu'on a du temps. Qu'on a du temps. Non, mais c'est vrai. Très bonne réponse. Moi, la meilleure raison pour jouer aux Sims, c'est soit quand je déprime et que du coup, ben, je prends une heure ou deux, et effectivement, c'est frustrant de jouer une heure ou deux, à soit que j'ai du temps en fait. Et si j'ai du temps, et ben, je me fais plaisir, je me dis, tu sais quoi, aujourd'hui, juste fais ton truc. Et c'est une mécanique qui te lasse pas. Enfin, je veux dire, les Sims en tant que jeu, alors c'est vrai qu'il a pas de concurrent, ben, donc tu pourrais pas te tourner vers en fait, un autre non, jeu. Non, mais... parce que justement, ce que disait, je sais plus qui, Gabi, je crois, tout à l'heure. Tu te lasses, tu fais une autre famille, tu fais autre chose et tu définis un nouveau but. C'est toi qui définis ton but. Ton but, ça peut être une carrière, ça peut être des enfants, ça peut être. Au gré des humeurs. Ouais. Moi, j'ai eu un moment où mon but, c'était de faire vivre le plus de générations possible dans la même famille. Exact. Et, moi, j'ai vu ça aussi. Et après, tu vois l'arbre généalogique parce que tu peux remonter dans l'arbre généalogique et c'est génial. Tu te rappelles que t'as fait ci, t'as fait ça la et tout. La dynastie. Ouais, franchement, et c'est hyper cool. Et dans les Sims, alors je sais pas dans les Sims 3 si ça existait ou pas, mais dans les Sims 4, t'as des succès comme sur Steam et tous les autres. Et t'as des trucs à débloquer, genre quand tu débloques pour la première fois le niveau 10 de chaque carrière, de chaque compétence, etc. Et donc voilà, ça peut être aussi une technique, une façon de jouer, avoir tué X Sims, des trucs un peu rigolos. Et des fois, j'ai un œil là-dessus sur ces stats, à combien je suis ou quoi, et c'est fun. Après, je le fais pas pour les succès, mais c'est vrai que c'est rigolo. Des fois, tu sais pas trop comment jouer, quoi faire ou quoi, et tu dis, tiens, j'ai jamais débloqué cette carrière, bah vas-y, go avec cette famille, je débloque cette carrière. Bah, j'allais carrière, dire, oui, quoi. Si t'as, mettons, comme tu disais, des fois quand tu déprimes un peu, une heure, deux heures à tuer, tu vas pas forcément te lancer dans la création d'une nouvelle famille et tout. Ah, non, peut-être qu'effectivement, regarder quelques succès en fonction de ce que t'as déjà, etc., ça peut être un objectif pour un jeu d'une heure ou deux heures de temps, quoi. Ouais. Gabi, pourquoi on joue encore aux Sims 4 quand on a le temps? Enfin, aux Sims. Aux Sims tout court. Aux Sims tout court. D'ailleurs, j'ai rejoué aux Sims 3 récemment. Ben. Come on, Snell, pardon. Moi, je sais pas trop. En fait, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment. Je sais pas, moi, je suis prise tout de suite justement par l'idée de faire. De faire vivre mes Sims. En fait, je sais même pas comment l'expliquer. Tu peux continuer à jouer sans avoir une motivation autre que celle que tu te crées toi-même. Ouais, exactement. Mmh. Donc au final, les Sims, c'est plus un... Comment dire? C'est plus un moteur, un outil, que vraiment... Enfin, j'allais dire vraiment un jeu. En général, on dit qu'un jeu, c'est le gameplay, donc un ensemble de règles, la partie game, et un ensemble de mécaniques qui permettent d'appliquer ces règles. La partie play, mais là pour le coup sur les Sims c'est plus toi qui on te donne un outil et c'est toi qui fais ton jeu et c'est suffisant pour créer de l'intérêt. Ah, pour moi oui. Ouais. Mmh. Même si a priori t'as pas joué aux Sims depuis longtemps, qu'est-ce qui t'y ferait à rejouer aujourd'hui? D'avoir du temps. Ah, on en revient au temps. Non, mais hors considération. Hyper, ça veut dire que si t'avais du temps, clairement, tu jouerais aux Sims sans hésiter. Non, pas forcément, parce que j'en ai du temps en vrai, mais j'y joue pas. Mais en même temps, t'y as pas pensé non plus. Je suis sûre que maintenant, ça va te travailler les prochains jours. Déjà, qui arrivent, tu vas totalement le réinstaller. Hein. Maintenant qu'on en a parlé, oui, il y a des chances. Et puis, non, peut-être. Je sais pas. Soit me changer les idées, parce que, comme tu disais, dans un moment de déprime. Moi, les Sims, je me le prenais vraiment comme exutoire. Comme exutoire dans un moment où ça allait pas, de dire, ben voilà, entre guillemets, pas ma vie rêvée, mais de dire, je vais pousser le truc un peu loin, un truc entre guillemets, de dire bah, de toute façon, le truc n'est pas réalisable et qui n'est pas réaliste, etc. Mais c'est pas grave, je vais le pousser dans les Sims et je vais ouais, peut-être rêver un peu finalement et je vais le pousser comme ça. Ça va être, je pense, peut-être surtout dans ces moments-là que je vais y jouer. Bon, ben bah voilà, ça nous fait une belle conclusion, je pense. Bon, en tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir les Sims, qui est quand même une expérience qui aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois, n'a pas vraiment de concurrence. Donc, si vous voulez essayer, bah, y a pas d'autre choix que les Sims, malheureusement. Les Sims 3, les Sims 4, on sait pas trop, voilà. Bon, dépensez pas trop quand même, hein. Achetez pas trop de packs de contenu et tout ça, parce que... Et si vous craquez, dites-le nous, les réseaux sociaux, @lesamisdupixel. Voilà, on est là pour vous soutenir. Et puis à nouveau, hein, si vous avez d'autres... commentaires sur cette émission, sur ce qu'on a pu dire, sur ce qu'on a pu oublier, vous n'hésitez pas, les réseaux sociaux comme d'habitude, vous avez tout ça sur le site, et puis nous on vous retrouve dans un mois, comme ça va désormais être une habitude, avec un nouveau sujet qui fera peut-être un petit peu plus polémique, un petit peu plus gueulé, parce que en tout cas moi j'ai plein de choses à dire là-dessus, on aura des invités de qualité comme d'habitude. Et si on se trompe pas, bah on va parler surtout du streaming, du let's play, et de toutes ces fois où le jeu vidéo se fait spectacle, d'une manière générale. De tous ces moments où l'on ne joue pas, tout ce public, aujourd'hui jeune principalement, qui ne joue pas et qui se contente de regarder le jeu vidéo sur YouTube et sur Twitch. Tout est-ce un qu'on pourra mentionner les gens qui regardent des gens jouer aux Sims? Parce que ça m'intrigue totalement. C'est une très bonne question. Il y a des parties des Sims sur Twitch, j'ai pas spécialement vu. Ouais. Si, totalement. Okay. Et avant ça, il y a eu des blogs sur les Sims aussi. Bref, on en parle. Il faut absolument que j'aille voir ça, c'est une très bonne idée. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, encore une fois. Et puis, on vous donne rendez-vous au mois prochain. Salut, salut, salut, salut.